Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui, Assemblage Reiki. On se volera le nouveau numéro du journal Zone Campus en compagnie du rédacteur adjoint Louis-Philippe Quentin. Et on se jouera des tours avec l'improvisateur du coin, Gabriel Béhoud, dans les quiz de la lutte. Assemblage Reiki commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à l'Assemblage Reiki en ce mardi 20 octobre 2015, 189 jours avant la fin de l'année scolaire 2015-2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Salut Tania. Ça va bien? Oui, passez une belle soirée hier. Attends, attends. As-tu gagné des élections? Tout le monde vous demandera ce matin et vous avez le droit de ne pas répondre en passant. C'est pas leur droit de savoir votre avis politique. On en parle souvent hein, de ça quand même à l'extérieur des ondes. Ça m'énerve le monde qui pense que tout le monde veut que leur opinion soit publique. C'est pas tout le monde qui pense comme ça, ça. Ouais, moi, ça me dérange pas, mais je pense aux autres que ça dérange. Ça. Ah, ben, j'ai aucun problème à dire que j'ai gagné mes élections. Bon, ben, tiens, voilà. C'est dit. Voilà. C'est dit. Voilà. Ben, félicitations à toi. Ben, merci. Au niveau local, Caroline, on voit que la fille politique ne tient pas à grand chose avec 800 votes d'écart pour Robert Aubin. Bravo. Salut. Oui. Ça, c'est moi qui ai gagné de mon côté. T'sais. Mais oui, toi, t'as gagné ici dans notre circonscription. C'est ça, mais 800 votes, on s'entend pour dire que chaque vote compte, hein? Ben oui. Ben oui. Pas le choix. C'est comme ça la vie qu'ils disent. C'est tout pour notre parenthèse sur hier soir. On a fait notre job d'être current events, les événements de la vie courante. On en reparlera sûrement avec Sébastien Evgartin demain. Oui, j'imagine. J'imagine que Seb va quand même faire un léger retour sur cet événement qui est. Quand même assez important. Ouais, tout à fait, qui change le cours de l'histoire canadienne. Définitif. Aujourd'hui, à l'émission, ma chère Tania, on va avoir à 8h30 Louis-Philippe Quentin, rédacteur adjoint du journal Zone Campus, qui va venir nous parler du numéro qui sort aujourd'hui. Ça aussi, c'est du current events. Là. Ça aussi, c'est du current events. Ça se passe dans le présent, dans le moment présent. Oui. Alors, ensuite, à 9h, Gabriel Béhoud est dans les quiz de la Luitre. C'est un début de session qui va en zigzag pas mal. Ah ouais? T'as eu un match, un congé, un match, un congé. Là, on a eu un match hier, un autre congé. Là, après ça, ça va embarquer avec comme 6 matchs de suite, là, sans congé. Mais hier, quand même, avez-vous eu pas mal de monde? Tu sais, on s'en parlait un petit peu hier après l'émission. On était comme... Veux-tu avoir du monde vu que c'est soirée d'élection pis tout ça? Pas nécessairement juste parce que les gens vont aller voter, mais aussi parce qu'ils veulent regarder la soirée. Moi, j'estime, et selon mes non-talents en mathématiques, peut-être la moitié ou peut-être même le tiers de la foule. Ouais, c'est ça, quelque chose comme ça. Mais c'était quand même... Ça avait l'air de ce que la Luitre avait l'air l'année passée, mettons. OK. Alors que cette année, ça a comme vraiment enflé en popularité, la Luitre. Non, on va en reparler avec Gabriel tantôt pour voir, lui, son estimé est à combien environ en termes de fraction. De pourcentage, je serais confiant de dire entre la moitié et le tiers. Ou le contraire, entre le tiers et la moitié. Pas si pire. Pas si pire. Dans Tania is gonna entertain, il y a de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui, Tania? Eh bien, en fait, hier, je regardais la soirée d'élection et je me suis rendu compte que oui, il y avait beaucoup de femmes qui étaient quand même élues et il y avait beaucoup de députées femmes, mais je me suis quand même dit, il y a des femmes qui sont très inspirantes dans la vie et je crois que demain matin, je vais en présenter. Donc, ce matin, en fait, je vous dresse le portrait de 3 femmes qui sont très inspirantes. Je vous dis pas tout de suite qui c'est, mais vous allez savoir un petit peu plus tard si vous restez dans l'émission. Ben oui. Est-ce que tu as pris les remarques de tes fervents fans qui disaient toutes des femmes politiques alors que tu venais de leur dire pas nécessairement politique? Ah ouais. Je vous dirais que j'en ai une qui est dans le monde de la politique, mais il y a pas grand monde qui savent qui elle est. Ah, c'est pas... Non, je parle pas de Ruth-Hélène Brosseau ce matin, ni de Pauline Marois. Ah non. Shame on me. Shame on you, Tania Baudin. Donc, on va faire Tania is gonna entertain you tantôt, mais pour l'instant, on débute avec Katie Moore, une pièce du palmarès anglophone, n'est-ce pas? Eh bien, oui, c'est Fooled by the Fun. 89 FM. C'est fou. Wake up to a beautiful day. Lie in bed. Breeze, push your dreams away. You think of your luck, your love, how no one's more glad. Was there ever a moment to think of all that we had? When the clouds come chasing the sun around, all things that know how to smile have slipped underground. When it's dark out, nighttime for your soul, does the thought of not thinking of me ever get old? And would you smile if we should cross one sunny day? Would you try to forget the way to say my name? I can only be sorry enough for my lifetime. Is to you what you do with yours? And don't be fooled by the flower. If you call me, I'll run. You'll never leave my by the fun à Assemblage Ricky. Peut-être que vous êtes aussi fatigué que nous ce matin après avoir regardé les élections hier soir. Moi, je voulais regarder les discours parce que je savais très bien que si je les regardais pas hier soir, je serais jamais allé les voir sur Internet. Ça, c'est pas assez important pour moi, mais de les voir en direct, c'est l'été. T'sais. Bien, je vais t'avouer que moi, j'avais vraiment l'intention d'y regarder aussi. Je voulais voir ce qui allait se passer de ce côté-là, mais je me suis endormie. J'étais vraiment, comme on dit en bon québécois, vêlée ben raide. Ben, je te comprends. Alors, j'étais allée me coucher. Malheureusement, j'ai pas vu les discours. J'en ai vu quelques-uns ce matin aux nouvelles, mais... Des extraits. Oui, exactement. Mm-hmm. Ce sont seulement des extraits. Apparemment, Stephen Harper va nous apprendre quelque chose de très important. Le communiqué de presse va t'envoyer parce qu'il ne veut pas dire devant public qu'il démissionne. C'est ça. Bref, voilà. Cela étant dit, oui, à la télé, ça donnait que pendant la soirée électorale, il n'y en avait pas bien de ça. De quoi tu penses que je parle? Des femmes? Oui, c'est vrai qu'il n'y en avait pas bien. C'est vrai. Dans les équipes de couverture à la télé. Non, je parle aussi de publicité. Ah, mais oui. Il n'y en avait pas tout long, presque. C'est vrai. Non, c'est le bloc pub. Venez au bon marché. Oui, papa. Tout le monde aime. Je préfère le goût de I love you and I kiss you. 4,99 la minute. C'est le bloc pub et la chronique dans laquelle on parle de concepts de pub, de marketing, d'idées, d'affichage, peu importe, mais pas nécessairement de vidéos virales. Par contre, on va commencer avec une vidéo un petit peu virale, donc je contreviens à ma propre règle. Et la raison que je parlais de femmes en ouverture, c'est parce qu'on commence avec une pub, entre guillemets, sexiste pour France 3. Ah, OK. En France, tu vas pouvoir m'aider à déterminer si toi, tu trouves que c'est sexiste en tant que femme, tu vois. Oui. Hein? Donc, la chaîne France 3 en France souhaitait mettre en évidence le fait que les femmes occupent une grande place dans son univers, mais en multipliant les clichés sexistes, l'effet inverse s'est produit. Présentée le 2 octobre sur les réseaux sociaux, cette publicité devait ensuite passer à l'antenne pendant 3 semaines. Mais la tweetosphère a vivement réagi dans les heures suivant la diffusion du message, pointant du doigt le sexisme paradoxal de celui-ci. En effet, pour mettre en valeur la place des femmes dans sa chaîne et l'égalité professionnelle, la vidéo multiplie les clichés sexistes. À la place de lire l'article, on va écouter la pub et on va les décrire pour voir ce que ça donne. Attention, c'est un petit 40 secondes. Un four est en train de prendre en feu avec la nourriture à l'intérieur dans une cuisine vide où on commence à zoomer. On voit de près le fourneau. On arrive dans une chambre d'enfant avec un gros désordre. Ensuite, le fer à repasser prend feu aussi sur les vêtements d'une personne. Sur une planche à repasser. La toilette a le couvercle ouvert dans une salle de bain. Ensuite, le chien demande à sortir dehors et personne n'est là pour prendre soin de lui. Et dans le garde-robe, on a un paquet de souliers et une paire est partie. Et là, ça dit sur l'écran, elles sont sur France 3. La majorité de nos présentateurs sont des présentatrices. Donc, on voit que les femmes de foyer, entre guillemets, sont en train d'animer le bulletin de nouvelles de France 3. En effet, je dois dire que moi-même, je trouve ça assez sexiste. Là. Ouais. Parce que les femmes, ça fait rien que ça, hein? Faire le ménage, c'est puis ça. Rabaisser le siège de toilette, puis sortir le chien. Exactement. C'est un peu rabaisseur, peut-être? Je suis d'accord. Des fois, j'aurais tendance à dire, bon, vous voyez du sexisme, vous voyez de l'homophobie ou du racisme partout, alors que c'est pas nécessairement vrai. Dans ce cas-ci, je crois que je fais quand même... Mais par contre, je dois avouer que je comprends l'idée derrière la publicité. C'est sûr, c'est sûr. Il y a une idée derrière ça, mais est-ce que c'est l'idée à exploiter pour dire que les femmes animent à la TV, elles sont pas en train de faire le ménage, reprenez donc votre place à votre, à votre maison? Ben, je pense pas que c'est ça, justement, l'idée. Je pense pas que l'idée veut dire reprenez votre place à la maison, au contraire. C'est trouvez-vous un mari qui va faire les tâches ménagères, c'est pas bien mieux! Mais pourquoi c'est juste elle qui doit le faire? Ouais. Ouais. C'est ça. Mais après ça, on pourrait dire que c'est raciste parce que ça veut dire aussi que ça pourrait être une femme mexicaine, mettons, ou un homme mexicain qui serait en train de faire le ménage. Ça pourrait être n'importe quoi. Mais oui, c'est sexiste comme c'est sexiste. Publicité. France 3, évidemment, ça part toujours de bonnes intentions, donc il faut quand même le dire. Là, France 3 présente cette campagne comme étant plus différente, plus moderne, plus féminine. Mm-hmm. L'exécution a été déprogrammée par Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, à la suite de nombreuses réactions sur Twitter, notamment celle de la secrétaire d'État responsable des droits des femmes, Pascale Boistard, qui a rapidement réagi sur Twitter en disant la campagne Femmes de France 3 ne me paraît pas être une bonne campagne, une bonne manière de valoriser les gars pros chez les animatrices TV. Donc, chère Delphine Ernotte, évidemment, donc, c'est retiré, on n'en parle plus, mais ça reste que c'est un coup qui peut-être se tire dans le pied. Oui. De la part de France 3. Définitif. Les chefs politiques invités à se faire tatouer leurs promesses, as-tu vu passer ça? J'ai vu passer ça, je me souviens plus où. Mais tu t'es pas assez renseigné, donc tu veux que je t'en parle. Non, mais je pense que c'est dans une émission, on a demandé à quelqu'un pourquoi est-ce que vous avez ça de tatouer dans le cou. Mm-hmm. Donc, parlant du prétexte qu'une promesse, c'est comme un tatouage, c'est pour la vie, le salon de tatouage MTL Tattoo offre aux chefs politiques, dans le cadre de l'élection fédérale, de se faire tatouer une de leurs promesses gratuitement. Densu Boss a orchestré l'offensive, comprenant la mise en ligne d'une vidéo supportée par une stratégie Twitter qui met les candidats directement au défi grâce au mot-clic. Dièse, tatouez vos promesses. Je sais pas si ça vaut vraiment la peine de regarder la vidéo. Je vais la regarder en silence derrière vous. On voit évidemment des promesses électorales, des pancartes partout. Et là, on voit un tatoueur avec son aiguille. Et ça dit 33%. Bon, 13 millions de nouveaux emplois d'ici 2020, par exemple. 1,3 million, pardon. 33% de taux pour les revenus de ça aux impôts. 1 million de places en garderie à 15$, etc. Donc, on offre de tatouer ça avec une belle petite calligraphie. Super bien, super classe. Donc, Montréal Tattoo depuis 1997. Dièse, tatouez vos promesses. Mais d'ailleurs, les gars qui sont dans la vidéo, les trois tatoueurs en question, ce sont eux que j'ai vus. Donc, voilà. J'ai dû voir ça quelque part sur Facebook. Et c'est pourquoi le monsieur l'avait déjà tatoué dans le cou. Et voilà, ben c'est pour ça, hein, Facebook vous montre des affaires, vous cliquez pas nécessairement dessus, moi je vous en parle. Chacun sa job. C'est ça. Maintenant, un stunt de Sico haute en couleurs. Sico a voulu éveiller l'imaginaire et l'inspiration de ses consommateurs en remettant ses couleurs entre leurs mains. C'est pourquoi le 10 septembre dernier, la marque de peinture a fait vivre aux Québécois une expérience immersive haute en couleurs au parc de la Petite Italie en collaboration avec Bleu, Blanc, Rouge. À leur arrivée près du parc, les curieux pouvaient se diriger vers un présentoir où ils se voyaient exposés à une sélection d'échantillons de couleurs Sico. En scannant l'échantillon de leur choix, ils permettaient à des milliers de fils de fibres optiques de s'illuminer sous leurs yeux. Au fur et à mesure que les passants s'arrêtaient, la couleur de ces fibres optiques se modifiait et se propageait à travers le jardin. La marque a su ainsi démontrer aux Québécois notamment son large éventail de couleurs pouvant illuminer leur quotidien et mettre de l'avant l'ensemble des outils qu'ils mettent à la disposition des consommateurs sur SICO.ca afin de les accompagner à chacune des étapes de leur projet de peinture. Et de plus, des bandeaux magazines de la campagne faits de véritables échantillons de couleurs SICO sont intégrés en octobre dans les revues de décoration. Donc, de véritables échantillons de couleurs SICO. Est-ce que tu as regardé un petit peu la petite vidéo? Bien, c'est ce que je suis en train de voir, de regarder, en fait. Et c'est bien? Oui, ben c'est ça, c'est très coloré. Et les gens peuvent passer devant un petit écran SICO et lever leur verre et regarder le spectacle de fibre optique dans les arbres et dans le parc. Il n'y a pas vraiment de forme en tant que telle. C'est des formes, mais on dirait des petits bouquets attachés. Oui. Il y a pas vraiment de... C'est très beau, par contre. Oui, c'est très joli pour SICO. Et c'est ça, les gens peuvent changer sur leur iPad les couleurs de leur mur et ça fait changer les couleurs dans le parc avec la fibre optique parce que c'est personnalisable, ces petites beautés-là de fibre optique. Ah, c'est très joli. Mm-hmm. On reste dans le côté artistique alors que Philo s'allie avec le collectif montréalais En Masse pour la création de murales dans plusieurs points de vente au pays. Lancé le 30 septembre à la succursale Phare de Montréal, l'initiative se déroulera dans 7 magasins de 5 villes canadiennes et durera jusqu'à la fin d'octobre. Philo souhaite s'associer à des gens passionnés par l'art, la musique, la mode et divers sujets susceptibles d'intéresser les milléniaux. Dans cette optique, la marque collabore avec les artistes locaux de chaque ville afin de créer de grandes murales dans plusieurs magasins et de faire rayonner sa marque. Outre Montréal, la tournée passera par Toronto, Calgary, Vancouver et se terminera à Victoria le 23 octobre. Les artistes du collectif En Masse y créent chaque fois des œuvres uniques et inspirées de la ville où ils se trouvent. Par exemple, bon, à Montréal, on voit évidemment inspiré de Montréal, ça veut pas dire grand-chose, là, mais des soutures un peu à la bloc Tetris, un peu sans pile sur des poutres. L'autre, c'est une face, on dirait, d'un politicien à la Chambre des communes des années ouais, hein? avec les boucles dans les cheveux blancs. L'autre, c'est un... je sais pas si c'est un animal, on dirait peut-être un chat, un serpent, quelque chose de genre, vu de face. Donc, c'est vraiment indescriptible, je vous dirais. Faut aller voir les images, mais en tant que tel, je trouve pas que ça a l'air très, très montréalais. J'imagine que s'il nous l'expliquait, ça serait plus montréalais. Mais je dis ça comme ça, mais j'ai l'impression que ça fait référence aux appartements qu'on avait fait pour Expo 67. Oui, dans oui, le oui. Temps. Okay. Mm-hmm, mm-hmm. C'est, ils sont tous... pareil, oui. Mettons, et un à côté de l'autre, mm-hmm. près du stade olympique. Oui, en effet, ça me rappelle ça, oui, t'as bien raison. Puis il y a des lettres aussi, un paquet de belles choses, oui. Donc allez voir ça sur assemblagerequis.com. Maintenant, on parle de nez. Hein? LG2 a élaboré un coup d'éclat pour les laboratoires choisis dans le cadre du lancement de produits Captodor. Prenant place dans les couloirs d'un complexe sportif, ce coup d'éclat invite les sportifs à faire renifler leurs affaires au nez géant. Celui-ci est disposé sur le mur et est relié à un comédien qui interagit en direct avec les passants en parlant avec eux. Après avoir reniflé les affaires, le nez géant propose alors une bouteille de Captodor afin qu'ils puissent assainir les odeurs de leur équipement. Écoutons un peu cette publicité, cette vidéo de démonstration. On voit un grand nez de loin, en fait de près, et on voit les sportifs et leurs souliers, mettons, et leurs sacs. Donc le gros nez est sur le mur et ça dit placer une pièce d'équipement sous mon nez. Les gens touchent au nez. Placer une pièce d'équipement sportif ici. Fais-moi sentir quelque chose. L'humoriste, c'est un des Denis de Relais. Hein. Ouais, écoutez, vous entraînez-vous dans les dépotoirs? Vous autres, c'est que tu passes. Ça, qu'est-ce que c'est, mon ami? On dirait que tu t'es échappé dans ton jackstrap après un trip d'asperge. Évidemment, le Denis de Relais a une caméra pointée vers les équipements non, pour savoir ce que c'est. C'est dégueulasse. OK, fait que toi, un jackstrap, tu laves ça une fois aux 25 ans, c'est pas mal ça, là. Ouais, lui, il a 30 ans. OK, tu veux ma mort. Et c'est même Denis de Relais qui fait... C'est quoi, ça? Bouger les narines. Ouais, hein? Tu dis ça en riant. Moi, je serais très, très mal à l'aise. Il y a de quoi une louche, là. Ça pue tellement que ça goûte, pis j'ai même pas de bouche. Les deux en même temps, un genre de threesome dégueulasse. Les deux gars font sentir quelque chose dans chaque narine. Je donne une pénalité. Calvaire, tu veux-tu que je perde mon seul sens? Fixe-moi 5 secondes. Hey, c'est bizarre, cette boîte-là. Ah, c'est parfait. C'est ça? Un très bon choix, je pense. Coude, oui, coude. Bon, d'avoir gars, choisi le Denis Barbu. Ça, là, c'est un produit qui détruit toutes les mauvaises odeurs bon, de ton équipement de sport. On fait que c'est un cadeau pour moi autant que pour toi. Tu vois, avec ça, ça va être comme un vrai prince en vacances. Puis en échange, je prendrais un bisou sur le nez. Et les gens Captodore. Réagissent pas sûr. Bon, Captodore destructeur d'odeur, c'est Captodore Sport le produit. C'est une belle idée. Oui, j'aime ça. C'est quand même original d'avoir choisi Denis. Ouais. Ensuite, allons-y avec ici Radio-Canada Première, la chaîne de radio qui s'écoute aussi à l'intérieur d'une structure à la Place des Arts. Donc, pour le lancement de la nouvelle programmation d'automne d'ici Radio-Canada Première, Cogeco Métro Média et l'agence Cossette ont installé une structure à la Place des Arts et en se plaçant à l'intérieur de la structure, les passants peuvent écouter en direct la radio du FM 95.1 à Montréal. Donc, c'est vraiment une structure de métal, un peu comme des échafaudages, si on veut. Et tout le tour, tu as des pancartes avec les différentes faces des animateurs colorées d'une drôle de couleur que je trouve pas que ça leur va très, très bien. Et quand tu entres à l'intérieur, les haut-parleurs sont dirigés vers toi et c'est fait pour pas que ça sorte de cette boîte-là. Là. C'est bien, bien ciblé. Donc, pour écouter la radio à Montréal. Ensuite, des recettes de porc chaque semaine à la gare Lucien-Lallier. En collaboration avec les agences CARA et LG2, les éleveurs de porc du Québec ont pris d'assaut la gare Lucien-Lallier à Montréal et les produits d'affichage d'Astral Affichage afin de convaincre les gens que les recettes de porc peuvent être diversifiées et faciles à réaliser même un soir de semaine. Full disclosure, j'aime pas le porc. À part pour le bacon, les côtelettes de porc, je trouve ça dégueulasse. Toutes les semaines, et ce durant 4 semaines consécutives, du 21 septembre au 18 octobre, c'est bien de se terminer. Stéphano... Lui, là, qui est dans les annonces là, de IGA. Exact, porte-parole de la campagne proposée aux usagers du transport collectif une recette de porc différente. Les gens peuvent se procurer une copie papier de la recette à partir des colonnes maquillées à l'effigie de la recette hebdomadaire. Une grande murale a d'ailleurs été déployée pour afficher chacune des recettes au menu. Des visuels déployés à l'extérieur de la gare Lucien-Lallier, la billetterie et les affiches à bord des trains de l'AMT. Les colonnes du réseau digital, ça c'est numérique, des réseaux numériques, cher, de l'ATM complètent la campagne publicitaire. Donc c'est énorme, là, on s'entend, les prix sont vraiment très très énormes. C'est des gros soutien, des poutres, là, des affaires comme ça, avec la grosse face de Stefano Macarenaos. Et vous pouvez prendre les petits cartons qui sont distribués tout le tour de la poutre. C'est bien fait, c'est joli. Et ça reste quand même une bonne idée. Si t'as faim pour du porc, puis que t'aimes ça, garde-toi. Oui. Hein? Garde-toi. Quel serait le prix à payer pour un monde sans publicité, Tania? Moi, ça m'intrigue, ça. Le site Ad Age a récemment enquêté sur les coûts d'une éventuelle disparition de la publicité du paysage numérique. Pour mettre en avant sa nouvelle offre sans publicité, la plateforme de vidéos sur demande Hulu a ironiquement lancé une publicité. La marque propose à ses abonnés de payer 4$ de plus par mois pour accéder à un contenu ne présentant aucune pub, un peu comme Netflix. Devant la montée des systèmes de blocage publicitaire, les revenus publicitaires des sites Internet chutent déjà. En effet, près de 34% des Américains emploient Adblocker, déclare le président et directeur général de l'organisation Interactive Advertising Bureau. Certains sites, particulièrement ceux consultés par les milléniaux, un peu tanné d'entendre ce mot-là, perdent près de 40% de leurs revenus à cause des bloqueurs de pub. Ad Age est ainsi intéressé à la possibilité d'un monde sans pub où tous les sites et toutes les chaînes de télé seraient entièrement financés par leur public. Le site se base sur le même principe que Hulu, c'est-à-dire en répercutant le manque à gagner sur le coût de l'abonnement. Pour accéder à un contenu sans pub, l'utilisateur doit alors payer plus pour combler l'absence de revenus publicitaires. Dans son enquête mathématique, Ad Age applique ce modèle d'absence de publicité sur un rayon plus large en se penchant sur le cas du quotidien New York Times, de la télé, de Facebook et de BuzzFeed. En prenant l'exemple du New York Times, un journal dont l'abonnement à la version numérique coûte 3,75$ américains par semaine ou 195$ américains par année, il faudrait que le journal attire 3 millions d'utilisateurs supplémentaires. Il permettrait d'éponger la perte de revenus publicitaires numériques qui s'élève à 148,6$ américains par trimestre. Cette hypothèse comprend aussi le fait peu probable que le journal ne perdrait aucun client de son édition imprimée, ce qui est évidemment complètement saugrenu comme idée. En ce qui concerne la télé, l'offre serait fortement réduite. En effet, sans revenus publicitaires, les chaînes reposeraient entièrement sur les paiements des consommateurs par l'abonnement ou à la vidéo sur demande. Il serait donc inconcevable que survivent les 500 chaînes proposées aux États-Unis. Le regroupement Leachman Research Group précise qu'aux États-Unis, le paiement mensuel moyen pour la télé est de $99.10 américains. Wow! Une augmentation de 39% depuis 2010, ça a c'est aucun beaucoup. Sens. Ça fait $1,189 par année pour écouter la TV, puis t'écoutes probablement genre 3 postes. Ouais, c'est ça. En suivant un modèle de chaîne télévisée sans publicité, les utilisateurs devraient alors payer cette somme annuellement pour accéder à seulement une douzaine de chaînes sans publicité. Pour ce qui est de Facebook, ses revenus s'élèvent à $4 milliards par trimestre et viennent presque entièrement de la pub. En prenant le nombre total d'inscriptions sur le site, soit 1,49 milliard, le prix à payer serait alors de $2,69 par trimestre et de $10.75 par année pour un Facebook sans pub. Toutefois, Ad Age précise que ce chiffre pourrait être augmenté puisque Facebook ne pourrait pas collecter tous les paiements selon les standards occidentaux, notamment dans les pays en développement. Je vous laisse aller voir le reste pour BuzzFeed parce que ça m'intéresse moins. Des panneaux d'affichage pour recharger vos appareils mobiles. Oui. Oui, Rouge Média qui lance officiellement le réseau Doux, D-O-O-H, constitué d'écrans numériques 22 pouces qui agissent simultanément comme station de recharge gratuite pour appareils mobiles. Les écrans sont installés dans les réseaux Rouge Beauty, Resto Bar et Campus, représentant plus de 1000 établissements dans les grandes villes canadiennes et américaines. À ce jour, 60% de ceux dotés de cette technologie se situent au Canada. Pour le lancement à Montréal, TD, HR Block, LVMH, Bayer, Rogers, Via Rail ainsi que les quatre universités ont été équipées du nouveau média. Le lancement du réseau est le résultat d'un partenariat exclusif à long terme avec DanTeb, société spécialisée en stations de recharge au Canada. Est-ce que tu t'en servirais? Parce qu'on s'entend qu'une station de recharge comme ça, ça doit prendre vraiment du temps avant de charger ton sel. Mais je vais t'avouer que quand j'habitais à Montréal, ça a commencé à prendre place déjà. Okay. On voyait ça à certains endroits. D'ailleurs, ici à Trois-Rivières, il y a une sorte de panneau comme ça qui est dans un bar en particulier qui est le temple. Ah, pour vrai. Tu peux laisser ton téléphone barré dans une structure qui a bon, des fils rechargeables. Donc oui, je pense que je l'utiliserai en autant que ça m'assure que je vais pas me faire voler mon appareil. C'est ça. Et ce qui est encore plus intelligent, une coche au-dessus de ça, c'est qu'en plus, si mettons tu mets ton téléphone dans la petite boîte et que t'as, mettons, une montre intelligente, tu peux quand même avoir tes messages et tout le temps savoir, bon, mon ami est rendu à l'autre place avec au deuxième étage avec l'autre sur le douchebag du titre de ça. Ça peut arriver, hein, c'est jamais. Donc, oui, évidemment. Exemple. Exemple. Ensuite, un frigo à bière qui reconnaît plusieurs langues. Ouh. Parlant d'endroits où on sort se dardiner les foufounes, il y a aussi de la bière. Si en 2014, à Sochi, il fallait son passeport canadien, on se rappelle de ça, on avait parlé. Oui, c'était une pub qui a fait jaser pas mal. Tellement, hein? C'est ça. Entendre l'hymne national du Canada lors de la fête du Canada ou encore un lancer de rondelles pour le retour du championnat mondial de hockey junior pour ouvrir le frigo à bière de Molson canadienne. Aujourd'hui, il faut pouvoir dire « Je suis canadien » en 6 langues différentes pour que la porte s'ouvre. En effet, Molson a créé un tout nouveau frigo utilisant les technologies de Google, faisant l'objet d'une publicité télévisée depuis le 25 juin. Il sera rendu public au Jeux Paname, mais en fait, il a été rendu public, là, ça commence à dater, au Jeux Paname. Et de Toronto 2015. Grâce à la technologie de reconnaissance vocale de Google notamment, le frigo est capable de reconnaître 40 langues différentes. Tout ce qu'il faut faire, c'est avoir un passeport canadien, chanter le Haut Canada de façon distincte, sinon faire un lancer de rondelle. En fait, je pense qu'il faut faire les deux. Et ensuite dire « Je suis canadien » en 6 langues. En tant que commanditaire officiel de la bière et de cidre des jeux Padam Parapapam Pam Pam Pam, cette année, Molson a présenté son nouveau frigo à la maison Molson canadienne du 11 au 25 juillet. Voilà. Ensuite, on reste dans les nouvelles que j'ai prises en français, donc qui commencent à dater. L'expo Pompéi du Musée Royal de l'Ontario fait irruption dans les rues de Toronto. Ça, c'est vraiment intriguant. Afin de promouvoir une exposition sur Pompéi au Musée Royal de l'Ontario, Astral Affichage a installé le Vésuve sur l'abribus situé à l'angle des rues Queen et B le 17 août dernier. L'abribus est devenu un véritable volcan urbain et au-dessus du cadre de chaque affiche, on voit planer un nuage de gaz et de cendres taillés en 3 dimensions. Une autre installation a suivi à l'angle de Queen's Park Crescent Street East et de la rue Charles. Wow! L'abribus est recouvert en haut de cendres. C'est pas mal juste ça. C'est plus un effet visuel qui doit perturber les gens parce que ça peut avoir l'air aussi, je sais pas, d'un nid d'abeilles ou quelque chose que tu veux pas vraiment t'approcher de ça. Moi, en tout cas, je prendrais peut-être l'arrêt de bus. Faut pas que t'arrives de l'autre sens, mettons, parce qu'il y a pas la pub. Ouais, exactement. Évidemment, c'est ça, c'est la sortie de cendres vient concorder avec le haut de l'affiche qui est sur le côté de l'abribus et qui dit « Un volcan se réveille et une ville disparaît. » Et là, la cendre a l'air de sortir de ça et de venir se reposer sur le dessus de l'abribus. Maintenant, dans ce qui constitue un achat assez inédit dans les médias, le bureau montréalais de John Street et Bell Media lance un message radio évolutif pour promouvoir l'application One Second Every Day. L'application permet d'enregistrer une seconde de vidéo par jour, puis de compiler les séquences en une seule vidéo rétrospective et évolutive. En 2012, One Second Every Day s'est débarqué en devenant la campagne de financement la plus lucrative sur Kickstarter pour une application. Elle a aussi été finaliste du concours Innovation by Design de Fast Company. La campagne a commencé sur les ondes de Virgin Radio 96 avec le premier message d'une seconde. Et chaque jour pendant le prochain mois, une seconde serait ajoutée à l'exécution de la journée précédente jusqu'à un message complet de 30 secondes imitant par le fait même le fonctionnement de l'application. On va écouter ce que ça donne avec la publicité juste du premier jour. One Second Every Day. One second every day. One second every day. On comprend le principe. Et on n'a pas mis « j'aurais apprécié qu'on me mette ». Ah tiens, je pense que j'ai ça en haut ici, voilà. One second every day is an app that allows users to record one second of footage daily and edit each snippet into a video diary. Une application qui vous permet d'enregistrer une vidéo déjà par jour et de faire un journal vidéo. Et là, évidemment... To promote the app, we created a 30-second radio spot. On n'a pas de vidéo, c'est juste de l'audio en face. One second at a time. Donc une publicité qui se révèle une seconde par jour pendant 30 jours. Here's what listeners could hear. Voici ce que les gens peuvent entendre le premier jour de cette publicité radio. One second every on the second day. Le deuxième jour. One second every day is an app. On the third day. One second every day is an app that stitches the moment. And so on. Every day the ad got longer by 1 second. Mais juste avant que ça se termine. Until the 30th day. 1 second every day is an app that stitches the moments of your life into a single continuous movie by capturing 1 second of footage daily. Now, imagine a movie that includes every day of the rest of your life. Un film qui inclut une seconde de chaque journée de votre vie. Télécharge l'application sur le Play Store. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'à la radio, si la publicité se finit pas à chaque jour et que c'est pas précisé la suite demain. Mm-hmm. Les gens vont je penser qu'il y a un bug dans le système d'automatisation. Je sais, hein, j'y ai aussi pensé en écoutant ce qu'il disait. Ça a aucun mot de sens, là. Je veux dire, je comprends. Mais probablement que ça le dit. Moi, j'aurais aimé s'il m'avait précisé ça. Ou qu'exemple, l'animateur la faisait jouer et par la suite, il expliquait ce qu'il en était. Exactement, parce que sinon, je vois vraiment pas comment ça peut être clair. Moi non plus. Absolument pas. C'est comme, il y avait un petit peu, il y avait Desjardins l'année passée, je crois, qui faisait un peu le même principe, mais la publicité était divisée entre chaque publicité dans un bloc de pub. Et ça disait, allez hop, genre, entre chaque publicité, ça disait, allez hop, puis à la fin... t'avais une publicité pour aller hop le truc de Hop Épargne de Desjardins. Bon, au moins, ça avait un petit peu plus de sens parce que tu voulais rester à l'écoute pour voir ce que le Allez Hop voulait dire. T'sais. C'est vrai. On va devoir terminer bientôt, peut-être sur cette dernière. L'agence Dentsubas a élaboré un coup d'éclat pour les banques alimentaires du Québec prenant place dans les frigos vides de magasins d'électroménager. Dans le cadre de la semaine de sensibilisation à la faim, les banques alimentaires du Québec souhaitaient faire réfléchir les consommateurs. Ce projet portait le message au cœur du problème. 400 000 personnes au Québec sont confrontées à la réalité quotidienne des frigos vides. Ces messages ont été installés ni vus ni connus dans les frigos vides de plusieurs détaillants d'électroménager de la région métropolitaine. Donc, c'est ce qu'on peut voir dans la petite publicité sur... sur Internet, bien sûr. Mais moi, la vidéo joue pas de mon bord. Non. J'ai juste l'audio. J'en suis désolé. Mais moi, c'est, donc je peux pas vraiment la décrire. Est-ce que tu la vois, toi? Non. Non plus? Non plus. Ah ben ça, c'est déprimant, ça. C'est déprimant, ça. Mais en gros, mettons, on voyait... Oui. Donc, attends, je pense à l'intérieur du frigo, ouais, qu'est-ce qu'il y avait? Yeah, boy, hein? On voit quelqu'un travailler sur un ordinateur. OK. Par la suite, il y a une chaîne de montage. J'ai essayé de me rendre un petit peu plus loin. Il y a des gens qui rentrent dans un magasin de frigo. Oui. Et on y installe une publicité, tout simplement. Dans le frigo. Dans le frigo. Donc, quand on ouvre le frigo, ça dit il y a des gens qui mangent pas. Oui. C'est ça. Parfait. On se comprend. C'est est-ce que ça valait une vidéo, je sais pas. Ben c'est parce qu'ils ont collé aussi des étiquettes Ouvrez-moi. Ah d'accord. Sur les frigos. Et là évidemment on voit la publicité qui a l'air choquante sur certains visages. Okay. Et j'essaie de voir là. Ça a l'air à être quand même un long message qui est inscrit sur le panneau. Ok ok. Bon, on comprend pas. Alors c'est marqué pour 400 000 Québécois un frigo vide c'est le quotidien. Ah. Ben, ça touche pas mal, ça. Ce genre de publicité-là où tu dois toi-même agir avec... 400 000, c'est beaucoup. Ouais. C'est énorme. Inacceptable. Voilà pour le bloc pub. On en fera une autre session, probablement la semaine prochaine. Habituellement, on fait ça les mardis, quand ça nous donne à l'assemblage requis. Au retour, Tania is gonna entertain ya. Mais avant ça, un petit message de pub, mais pas le bloc pub comme la chronique, le bloc pub comme le bloc pub. Pub. Habituel. Pub. Ouais, c'est ça. Habituel. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou. 89.1 Assemblage requis est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Toujours à Assemblage requis en ce mardi 20 octobre 2015, elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oh oui. Là, j'ai parlé pendant une demi-heure, là, ça va faire. Ben là, c'est comme tu veux, hein, c'est toi qui choisis. Non, mais je te renvoie la balle, Tania, à toi de l'attraper. Oh, oh! Oh, et Tania's gonna entertain ya! C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania! And she's gonna entertain ya! Salut Tania! Hey, salut Mathieu Blanc! Hello! Madame! Comment allez-vous? Ça va très bien, merci! Ben, Colin, c'est cool. Aujourd'hui, on parle de femmes, madame! Oui, on parle de femmes parce que, comme je le disais un petit peu en début d'émission, hier, je regardais le pas le débat, évidemment, la mais soirée la soirée électorale fédérale 2015. Et je me rendais compte que oui, il y avait beaucoup de femmes qui étaient quand même là dans la course. Il y avait aussi beaucoup de femmes qui étaient là à la télévision, celles qui suivaient. Ben, disons d'ailleurs, à Radio-Canada. Bien, moi, surtout. À TVA, c'était pas mal des hommes. Hein. Ben, personnellement, je l'ai écouté à TVA. Ouais. J'ai trouvé qu'il y avait quand même des journalistes qui étaient sur place, oui, qui étaient féminines. C'est ça. Qui étaient des femmes. Mais par contre, ça m'a allumée sur l'inspiration, les femmes inspirantes qu'il y a un peu partout au travers du monde, pas nécessairement juste ici au Canada ou au Québec. Et ça m'a donné l'idée, en fait, simplement de vous dresser le portrait de trois femmes très inspirantes et pourquoi est-ce qu'elles sont inspirantes surtout. Alors, je me suis dit, ben tant qu'à faire, on va y aller en grand. Alors, je me suis mis à faire un petit peu de recherche sur les femmes inspirantes sur les internets. Puis t'en avais juste quelques milliards, là. Ouais, juste ça, écoute. j'ai été du plus récent que je pouvais, évidemment. J'ai d'abord écrit sur Google les femmes les plus inspirantes en 2014, parce que quand c'est pour l'année 2015, elles sont pas encore sorties. Donc, les candidates pour les femmes les plus inspirantes au monde ne sont pas encore tous détaillées et tous envoyées au conseil, mettons. C'est ça. Mais on s'entend que t'as fait un Frédéric Bernard de toi-même en faisant un genre de Google Globe, en posant la question à Google. Un peu. Les femmes les plus inspirantes de 2014. Mais je vais vous avouer que les deux, la première, je l'ai trouvée sur Google. Par contre, les deux autres me sont venues de moi et je vais vous expliquer un petit peu plus pourquoi moi je trouve qu'elles sont inspirantes. Ouais. Mais la première, c'est Angela Merkel. Et là, tu vas me dire, OK, mais qui est Angela Merkel? La chancelière allemande. Oh, wow, t'es fort, Matt! Eh bien, oui, c'est une femme politique. Alors, messieurs, c'est la seule femme politique dont je vais parler dans ma chronique ce matin. Pour tous ceux qui ont écrit que j'aimerais parler de Ruth-Hélène Brosseau hier sur Facebook, on peut-tu laisser faire sa carrière avant de trouver qu'elle est inspirante? Exactement. Alors, c'est une femme politique, comme l'a dit Mathieu, c'est la chancelière allemande. C'est la première femme à occuper cette fonction. Elle a 61 ans. Qu'est-ce qu'une chancelière? Eh bien, selon la loi fondamentale, c'est le chancelier fédéral qui fixe les grandes orientations de la politique et qui en assume la responsabilité. Donc, c'est un peu comme notre premier ministre. Ouais. Si j'ai bien compris toutes les recherches que j'ai faites, je dois avouer que le système politique européen semble beaucoup plus complexe que le nôtre. Oui, oui, oui. Alors, à la suite de mes recherches, c'est ce que j'ai trouvé. Bien qu'il soit de facto la personnalité politique la plus puissante d'Allemagne, elle n'est que la troisième dans l'ordre protocolaire après le président fédéral, chef de l'État et le président du Bundestag. J'imagine que c'est un certain parti politique. En effet. Donc, c'est ce qu'est une chancelière. C'est, comme je le disais, c'est un peu comme notre première ministre ou notre premier ministre. Elle a été désignée la femme la plus puissante du monde par la magazine Forbes à 9 reprises depuis 2006. Est-ce que tu penses que c'est un jeu comme genre le Bundestag barbecue, genre, pour déterminer? Je penserais pas parce que, en fait, il semble regarder tout ce que tu fais pendant une année pour pouvoir te déclarer une femme inspirante. C'est sûr qu'on parle ici de politique, de sécurité nationale. On parle aussi de, comment est-ce que je pourrais dire, pas, je veux pas dire d'alliance, mais presque avec d'autres nations. On va voir un petit peu, elle a été perçue aussi comme la personnalité politique la plus importante et la plus puissante de l'Union européenne. Ouais. Le 17 novembre 2010, Barack Obama, évidemment le président des États-Unis, lui a décerné le Presidential Medal of Freedom, qu'on pourrait traduire par la médaille présidentielle de la liberté. Liberté! c'est la plus haute décoration civile américaine que l'on peut recevoir. Elle est décernée à des individus qui contribuent à la sécurité ou aux intérêts nationaux des États-Unis. Donc, quand je parlais d'alliance, évidemment, c'est le genre d'alliance auquel je faisais affaire. Par Forbes, elle est désignée la deuxième personne la plus puissante, non pas la femme, personne mais bien la personne en général, la plus puissante au monde en 2012, derrière Barack Obama. Ah, wow! Tu sais, dans la vie, quand tu te dis... Et Oprah! Mais tu vois, quand que je me suis dit, je vais parler de femmes inspirantes, quand que je me suis posé la question « Pourquoi est-ce qu'elles doivent devenir inspirantes à mes yeux pour que j'en parle, mettons? » c'est sûr que j'aurais pu parler de 25 femmes différentes. Oui. Ça veut pas dire que les autres sont pas inspirantes, ben, si tu as choisi celle-là. Celle-là parce que... Pourquoi est-ce qu'elle est inspirante? Parce que la politique, on le sait, c'est un monde très difficile, c'est un monde très masculin la plupart du temps. On le voit juste ici au Québec, ça a été très difficile pour Pauline Marois de rester au pouvoir. Ouais. C'est pas facile. Je dois dire, sur sa vie personnelle, présentement, elle est seule. Elle a pas d'enfant. Ah. Elle a été divorcée. Oui, elle a été mariée pendant quelques années, mais quand elle a commencé à continuer sa carrière beaucoup plus en profondeur, mettons, de côté politique, elle a décidé de retomber à ses sources. Elle a pas d'enfant, je le répète. Donc oui, la politique, c'est très difficile pour les femmes, mais quand on arrive à 61 ans à être 9 fois la femme la plus inspirante au monde, je pense que tu mérites d'être dans un top 3 d'une radio à Trois-Rivières. Exactement. Et c'est le fun, c'est pas une femme derrière un homme, c'est exactement vraiment une femme à proprement oui dit. Puis elle c'est a pas Schneider. Ben c'est ça. Ben elle a commencé simplement en étant secrétaire aussi. Ouais. Donc, c'est sûr que je vous ai pas détaillé son curriculum vitae de haut en large. Mm-hmm. Mais elle a commencé au bas de l'échelle et c'est ce qui est inspirant à voir. Moi, c'est pour ça que je l'ai mis dans mon top 3, disons-le comme ça, parce que je trouve qu'elle démontre que c'est possible de faire sa place pareil dans un monde qui est très, très, très masculin. Et contrairement à ce que plusieurs pensent, eh bien non, je ne parlerai pas de femmes dans le monde du sport automobile ce matin. Je m'attendais à quelque chose dans le sport en général, peut-être pas automobile. Même pas. Même pas le sport. Je dois vous avouer que ça m'était même pas passé par l'idée. Non, c'est ça. Peut-être parce que je dis oui, il y a plusieurs femmes qui me sont venues en esprit quand j'ai pensé à faire cette chronique-là. Oui, on m'a conseillé Chantal Maccabée. Ouais. Oui, il y a des femmes que je connais dans le monde du sport automobile qui sont très inspirantes. Mais vous allez voir pourquoi j'ai choisi ces femmes-là. Et j'espère que vous allez respecter en fait les choix tout simplement que j'ai fait. Ça. Et que vous allez peut-être justement avoir une curiosité pour ces femmes-là. Et parce que nécessairement, elles sont connues d'un monde X, chacun dans leur domaine, mais ça veut pas dire que Tijo, dans le local 42, là-bas, là, a décidé que lui, Parle de Joe Cossette, gérant de la chasse, en passe, non, c'est vrai. Mais ça veut pas dire que lui a décidé de faire des recherches sur Angela Merkel. Il peut peut-être, je dis ça comme ça, peut-être ce matin, il va aller sur Google puis il va taper son nom. Et peut-être que si t'en fais 3 aujourd'hui et que t'as une chronique à tous les jours de l'année scolaire, peut-être qu'une autre fois, tu feras un autre 3. Peut-être. 3 autres. Peut-être, parce que comme je le dis, il y a tellement de femmes inspirantes, non seulement ici au Canada ou au Québec, mais partout. Tu parlais d'Oprah. Je pense que Oprah, c'est une des femmes les plus inspirantes aussi. Mais tout le monde le savait. Tout le monde le sait. On essaie de sortir des sentiers battus. Exactement. Un petit peu. C'est fou, c'est comme ça. C'est pour ça. C'est ça. Alors, je vous le répète, Angela Merkel, 61 ans, c'est mon top 1 présentement. La deuxième femme très inspirante, c'est une femme d'affaires québécoise. C'est la seule femme d'affaires Anne-Marie québécoise. Anne-Marie Lozic, je savais. Non? J'aurais pu la mettre, j'y ai même pas pensé. Elle est inspirante pensé. Quand elle se montre les seins sur ouais, Facebook. C'est ça, tout le monde commente « Wow, j'en veux des mains ». Ah mon Dieu, ouais. J'aurais donc dû penser à ça. Ah, les commentaires sont déplacés sous Anne-Marie Lozic. Ouais. Et sur et dedans. Ça, je suis pas dans ce domaine-là, je vais pas me prononcer. En tout cas, allez voir sa page Facebook, c'est une femme d'affaires qu'on appelle. Mais je vous parle de la femme d'affaires québécoise de 72 ans, Lise Wattier. Ah ben oui. Évidemment, Lise Wattier, c'est une femme qui a réussi à monter son empire de façon assez exceptionnelle. Pourquoi est-ce que je parle d'elle aujourd'hui? Parce que récemment, à Radio-Canada, on a diffusé un documentaire sur la vie de Lise Doitier qui s'intitule « Une vie à entreprendre ». C'est, comme je le disais, c'est un produit qui a été fait par Radio-Canada en 2015 qui relate la vie d'affaires, mais aussi la vie personnelle de Mme Lise Doitier. J'ai lu quelques articles qui demandaient à la productrice pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de faire un documentaire comme ça sur la vie personnelle de Mme Doitier. Et elle disait tout simplement que on la voyait souvent dans des contextes justement d'affaires, dans des contextes d'entreprise. On la voyait dans plusieurs cérémonies gouvernementales, mais toujours à titre de femme d'affaires. Mais qu'en est-il de la femme qui a élevé 2 enfants, qui s'est mariée, qui a quand même eu une vie très personnelle par rapport à son entreprise, parce que la plupart de ses employés vont aller dire que c'est une entreprise familiale, malgré le fait que, oui, c'est une entreprise familiale, mais ses 2 filles ne sont pas nécessairement directrices de la compagnie en ce moment. On le sait, Mme Lise Doitier, en plus, a décidé de laisser son entreprise en 2013, si je ne m'abuse. Elle a décidé d'en donner les rênes. Évidemment, elle est toujours là, elle rôde. Ouais. Tu sais, quand tu donnes ton nom à une compagnie, nécessairement, tu regardes ce qui se passe pareil. Par contre, en théorie, et je dis bien en théorie, elle serait à la retraite. En pratique, c'est tout autre chose et elle-même le dit. En fait, Lise Doitier, en 1968, pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, elle a fondé l'Institut Lise Doitier où elle offrait des cours de maquillage et d'épanouissement personnel. C'est un institut qui permettait aux femmes de découvrir et de mettre en valeur leur potentielle beauté tout en acquérant des connaissances et augmenter leur confiance et leur bien-être. Et c'est vraiment sur ça que je veux mettre l'emphase. Acquérir des connaissances pour augmenter la confiance et la bien-être des femmes. Oui, Lise Doitier, elle est démontrée comme une femme dans les produits de beauté, produits cosmétiques, rendre la femme plus belle. Mais au départ, elle a commencé simplement pour donner confiance aux femmes et de leur montrer que leur confiance en elles et leur bien-être, c'est ce qui fait d'eux des individus, ben évidemment individuels, mais très, très, comment je pourrais dire, tu peux devenir qui tu veux quand tu as confiance en toi. Ouais. C'est vraiment, tout se base sur la confiance d'une personne. Et c'est pourquoi je trouve que Lise Doitier est une femme très inspirante, parce qu'elle en a décidé d'en faire une institut. La confiance en soi, c'est ce qui fait que aujourd'hui, en 2015, on voit plusieurs femmes être en affaires. On voit plusieurs femmes être des femmes très, très fortes de tête. Si ces femmes-là n'avaient pas nécessairement confiance en elles, évidemment, ça serait pas les femmes qu'elles sont aujourd'hui. Alors, pour ça, moi, je trouve que Lise Doitier, je lui lève mon chapeau. En 1972, eh bien, elle a créé la société Lise Doitier qu'on connaît aujourd'hui, donc les nombreux produits de beauté. À ce jour, en 2015, on compte plus de 450 produits de beauté et de maquillage, de soins, des parfums. Son parfum Neige est le parfum le plus vendu au Canada. Ses produits sont quand même vendus un peu partout par les détaillants dans le monde. D'ailleurs, dans le documentaire, on la voit en étant en Inde et c'est ce qui l'inspire beaucoup. Elle s'inspire beaucoup des voyages qu'elle fait. Depuis 2010, eh bien, la Fondation Lise Doitier existe. Qu'est-ce que la Fondation Lise Doitier? Eh bien, c'est un projet domicilié pour des femmes itinérantes en voie de réinsertion sociale. Donc, non seulement tu décides de créer un empire, mais moi, ce que je trouve très important, justement, quand on est rendu une femme avec autant d'ampleur que Lise Doitier, c'est de pouvoir redonner, justement, et de pouvoir montrer qu'on peut faire quelque chose dans la société. Alors, la Fondation Lise Doitier, eh bien, ils offrent des logements sociaux, du soutien dans le cheminement des femmes, bref, un espace, du temps et des ressources pour aider ces femmes-là à franchir un pont entre l'itinérance et l'indépendance. C'est de tout simplement reforger cette confiance en ces femmes, et ça revient exactement à l'idée numéro 1 qu'elle avait fondée avec l'Institut, la confiance et le bien-être des femmes. Évidemment, quand on se rend compte qu'on est dans le besoin, qu'on est dans l'itinérance, notre confiance et notre bien-être en prend un coup. Donc, qu'elle redonne de cette façon-là, moi, je trouve ça très bien. Elle aurait pu décider de redonner pour le cancer ou quoi que ce soit. Je ne dis pas que ce ne sont pas des très bonnes causes. Au contraire, par contre, elle reste dans la lignée de la confiance et du bien-être en soi. Et c'est pourquoi je trouve qu'elle est inspirante, parce que justement, tout se base sur la confiance d'une personne pour devenir... Je veux pas dire devenir un empire en soi, mais... Même si c'en est un. Les revenus annuels doivent être... doivent être assez exceptionnels, parce que je vous avoue que dans le documentaire, on cache pas où elle est en Inde. Donc, elle vit pas dans une cabane faite de bois rond. C'est un très beau palace en Inde. Mais elle a travaillé fort pour se rendre jusque-là. Oui, exactement. C'est le capitalisme. Ben, c'est ça. Hein? Nord-américain. En effet. En 1992, elle est devenue une des 10 entrepreneurs canadiens de la décennie. On l'a nommée entrepreneur canadien par le magazine... Profit à Toronto, si je ne m'abuse, okay. C'est bien le nom du magazine. Elle est 6 fois la femme d'affaires de l'année par la firme marketing Léger & Léger. Que voulez-vous, hein? Que voulez-vous de plus? Moi, je la trouve inspirante et j'espère que vous la trouvez inspirante. Je vais d'ailleurs mettre le lien, si jamais on peut retrouver le documentaire sur Internet. Je vais vous le mettre en lien sur assemblagerequis.com, parce que c'est un petit 2 heures, mais c'est un 2 heures où on se dit... Bon, je pense que je suis capable de faire quelque chose avec. I can do it. Et voilà, c'est très, très, très inspirant. Moi, ce que j'aime de Lise Wattier, c'est que son nom de famille, on dirait que je veux que tu sois comme un Wattier, comme un arbre qui fait pousser de la ouate. À vous, hein? O-U-A. Et juste en la regardant, elle est comme... Elle est de la ouate. De la ouate, c'est ça. Elle est toute douce. C'est beau. Mais c'est une femme d'affaires très, très à l'avant et très abrupte. Alors ça, j'aime ça. Ouais. La troisième et non la moindre, c'est Emma Watson. Oh, original comme choix. Oui. Actrice, styliste, une voix nouvelle pour le féminisme contemporain en 2015. Elle a 25 ans. En juillet 2014, elle a été nommée ambassadrice de bonne volonté pour l'ONU Femmes, donc évidemment du côté féminin de la chose. Parce qu'ils ont encore de la ségrégation des sexes dans l'ONU. Ouais. Tu sais. Elle lutte pour l'éducation des jeunes filles à travers le monde. En septembre, elle a prononcé un discours qui a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Facebook. On peut retrouver la vidéo un petit peu partout. On va en écouter un extrait dans pas très, très longtemps. En fait, dans son discours, elle prononce au siège des Nations Unies l'importance des hommes et des femmes à faire l'égalité une priorité dans leur vie. Et c'était pas non seulement de dire « oui, je suis une femme, il faut que les femmes se tiennent », mais... Dans son discours, vous allez voir, c'est qu'elle implique beaucoup les hommes aussi. Et je pense qu'on va y aller tout de suite. On va aller écouter un bref extrait de ce discours-là et je vous reviens après. Today, we are launching a campaign called He for She. I am reaching out to you because we need your help. We want to end gender inequality. And to do this, we need everyone involved. This is the first campaign of its kind at the UN. We want to try and galvanize as many men and boys as possible to be advocates for change. And we don't just want to talk about it. We want to try and make sure that it's tangible. I was appointed as Goodwill Ambassador for UN Women 6 months ago. And the more I've spoken about feminism, the more I have realized that fighting for women's rights has too often become synonymous with man-hating. Et comme on vient tout juste de l'entendre, évidemment, c'est en anglais. Par contre, dans la vidéo, il y a les sous-titres en français, donc j'irai le mettre sur la page Facebook d'Assemblage Requis après la chronique. C'est un discours, évidemment, on le dit, elle a besoin de l'importance des hommes dans l'égalité des femmes. Il y a beaucoup d'hommes qui comprennent pas nécessairement... Ah, vraiment? Qu'est-ce que le féminisme? Ils pensent tout que ça veut dire détester l'homme. Et voilà, c'est pas vraiment le cas. Je dois dire que juste il y a quelques années, je croyais... Tu pensais que c'était ça? Ouais. Assume-toi. Non, mais pas que je pensais que c'était ça, mais je croyais que les féministes en étaient celles qui devaient automatiquement brûler leur brassière et crier haut et fort qu'elles détestent les hommes et qu'elles sont lesbiennes. Je suis désolée, je l'ai dit. Mais c'est totalement pas ça. Et je crois que c'est... Il y en a que c'est ça. Il y en a que c'est ça, c'est évidemment. Ouais. C'est extrémiste. On pense aux femmes. Oui, c'est très extrémiste. Ça ne veut pas nécessairement dire que je suis pour ce qu'elles font. Mm-hmm. Je ne vais pas aller m'étaler plus loin sur le sujet des femmes. Mais... Une autre fois. Et voilà. Mais je crois que, en fait, Emma Watson, qui a lancé exactement la campagne He for She, qui est un mouvement de solidarité dédié à l'égalité des sexes rassemblant la moitié de l'humanité pour appuyer l'autre moitié de l'humanité, c'est ce qui est important à comprendre. Elle demande aux hommes de comprendre l'importance des femmes dans le monde qu'on est aujourd'hui. C'est la première campagne comme ça qui est présentée à l'ONU. Pourquoi est-ce qu'elle est inspirante? Parce qu'elle est jeune, parce qu'elle donne une nouvelle voix aux jeunes filles. Et je crois que si, exemple, les filles au secondaire voient ces vidéos-là aujourd'hui, ce que nous, par exemple, moi, je ne voyais pas au secondaire dans mon temps... Je pense que ça peut simplement leur amener encore plus de confiance en elles. Et comme je le disais tout à l'heure, tout se base sur la confiance, que ce soit pour une femme, une carrière, que ce soit pour le bien-être personnel d'une femme. Ça va par la confiance. Et je crois qu'Emma Watson est une très belle voix pour ça. Non seulement parce qu'elle est connue, évidemment, du monde des jeunes grâce à son rôle dans Harry Potter, mais je pense que justement le fait qu'elle soit nouvellement nommée ambassadrice de l'ONU fait en sorte qu'on lui donne beaucoup de crédibilité, et il faut avouer que c'est une fille à qui on peut donner beaucoup de crédibilité. Oui, c'est ça, exact. C'est pas seulement une actrice, elle est allée étudier à Harvard, elle va à l'université, elle s'informe pareil. Donc... Et t'es automatiquement crédible quand t'as un accent britannique en plus. En plus. Fait que t'sais. En plus, on doit le dire. Oui. Je pense que ça y met pour beaucoup. Tu sais, ça avec un accent redneck, ce qu'elle a dit, là, ça n'a pas passé. Ben, c'est ça. Ouais. Hein. Le 8 mars 2015, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, elle a organisé un grand... j'ai goût de dire congrès. Ouais. Sur Internet. OK. Donc, en fait, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle a organisé une séance de questions et réponses sur sa page Facebook. Elle était en direct. D'après moi, c'est par Skype que le tout s'est passé. Mais évidemment, ça s'est passé sur Internet. Donc déjà là, on rejoint le plus de jeunes possible à comprendre qu'est-ce que c'en est et à essayer de faire comprendre aussi où peut aller le féminisme contemporain aujourd'hui. C'est sûr que si je vous dis que le féminisme, c'est le féminisme, évidemment, allez faire quelques recherches à savoir jusqu'où vous rendez dans cette échelle-là. Ça ne veut pas nécessairement dire, comme dans n'importe quoi, qu'on est oui à tout ce qu'ils disent, évidemment. Alors, c'est simplement s'informer jusque nous, on voit les choses. Et je crois que c'est assez important. Donc, si jamais vous voulez, vous pouvez aller tout simplement taper « féminisme » sur Google. Vous allez voir, Wikipédia est plein de ressources là-dessus. Jennifer Lawrence, qui est une actrice hollywoodienne américaine, suit ses pas de petit peu à petit peu. Elle a débuté d'ailleurs une lutte pour l'égalité des femmes à Hollywood dans une lettre qu'elle a présentée dans un gala qui s'intitulait « Pourquoi je gagne moins que les hommes avec qui je travaille ». On s'entend là. Oui, c'est la plupart du temps, les filles vont dire « Oh mon Dieu, je veux devenir actrice ». Oui, tu vas quand même gagner moins cher que le gars qui joue le deuxième rôle, même si t'es rôle principal. C'est un fait en tant que tel. T'sais, les gens vont dire « Ah, oh, c'est dans le temps, ça c'est fini, ça on est rendu. » Non, c'est ça. Vérifie, puis tu vas voir qu'il n'y a pas partout. Exactement. Ouais. Puis je pense que c'est pour ça qu'on est un petit peu dans le déni. C'est qu'on pense tous que c'était juste dans le temps. Oui, que parce que la vie est belle arrangé, de nos jours. Il n'y a plus de racisme, il n'y a plus d'homophobie, il n'y a rien. Non, check un petit peu. Exactement. Ça, ouais. Donc, comme je l'ai dit, dedans, elle explique sans vouloir de se battre pour obtenir un salaire égal à celui d'un acteur, puis de ne pas avoir peur de passer pour quelqu'un de difficile ou une enfant gâtée, même si elle est à Hollywood. C'est une femme, elle a le droit à ses droits et à l'égalité aussi. Donc, il y a quelques acteurs, d'ailleurs, l'acteur qui joue souvent avec elle, qui le nom m'échappe, mais en fait, il y a plusieurs... acteurs américains qui l'appuient dans ça, et comme le disait Emma Watson, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes, donc les hommes ont le droit de dire « Oui, pourquoi est-ce que tu gagnes pas autant que moi? » Tu sais, je vois pas pourquoi est-ce qu'il y aurait un problème à ça. Non, il y a aucun problème parce que les gars se battent pour les filles, c'est ça l'idée. Hein? C'est ça. Donc, comme tu dis, c'est l'idée derrière la campagne He for She de Emma Watson, mais je vous conseille aussi d'aller chercher la lettre en question de Jennifer Lawrence sur Internet, de la lire. C'est très inspirant aussi. Alors, c'était mon top 3 des femmes inspirantes pour la cause, disons-le comme ça. Je dois dire que des chansons inspirantes pour les femmes. Il y en a beaucoup. Mais je voulais quelque chose d'un petit peu différent, d'un petit peu, comment je pourrais dire, quelque chose qu'on connaît moins. Tu sais, We Run the World de Beyoncé, oui, c'est beau, on l'a tous entendu, puis elle a passé à n'importe quelle station radio. Mais je vais vous faire entendre une chanson canadienne qui est de l'artiste Berries. La pièce s'appelle Soldier. Et de ce côté-là, je dois le dire, elle va pas chanter sur le côté féministe ou quoi que ce soit. C'est vraiment du côté de rester forte dans un couple ou de rester forte dans les relations qu'est aujourd'hui nos relations de couple. Mm-hmm. On va se quitter pour ma chronique avec cette pièce-là et j'espère que vous allez apprécier. Alors, c'est Soldier de Berries. Merci, Talia. You messed around, you told me so, but even though I threw all my will in, figure it out the way you want, you called it off, you messed around, I can't help you now. C'était Berries avec la pièce Soldier. Alors, comme je le disais, c'était une pièce que je voulais présenter beaucoup plus du côté relation de couple de nos jours et de rester solide dans tout ça. Voilà. Très bien dit, Tania Baudin. Merci beaucoup. On fait Talia Escalin et Tania tous les jours de semaine à Assemblage Requis. Au retour, on reçoit notre collègue du journal Zone Campus, Louis-Philippe Quentin. On parle du plus récent numéro. Restez avec nous. Assemblage Requis est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Bon, ça, c'est toujours à Assemblage Rocky en ce mardi 20 octobre 2015, 8h38, elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui. Et la raison qu'on sonne tant écho que ça, c'est parce qu'on vient d'ouvrir le prochain micro du prochain chroniqueur. C'est Louis-Philippe Quentin que voici avec la chronique du journal Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. On pourrait, enregistrer l'album de Bernard Adamus dans le studio de Michael Légo. Salut Louis-Philippe Quentin, ça va? Bonjour Mathieu Plante, ça va bien toi? Oui, très bien, merci. Rédacteur adjoint à Zone Campus qu'on reçoit aux deux semaines. Effectivement. Oui, et on parle du plus récent numéro, celui-là qui est en kiosque à partir de plus tard aujourd'hui. Voilà. Vers la fin de l'avant-midi environ, c'est là qu'on le reçoit et qu'on va le distribuer partout sur le campus et plus tard dans des commerces à Trois-Rivières. Et si tu le veux bien... Louis-Philippe, on va commencer par les actualités. Effectivement. Commençons avec les élections d'hier. Oui, exactement. Donc, en fait, dans le numéro qui va sortir aujourd'hui, on a un petit article sur le débat des chefs. Pas des chefs, le débat électoral qui avait été organisé par l'AGE. Évidemment, présentement, je ne vous parlerai pas du débat étant donné que les élections étaient hier. Cependant, on peut vous rappeler qu'à Trois-Rivières, c'est Robert Aubin qui a été élu. De 800 votes. Effectivement, quand même bonne distance. Mais on ose croire que ça voudrait dire que... Il a fait un bon travail dans les quatre dernières années. Dans l'article, Lisanne va nous parler, entre autres, du problème de pyrotite, qui est quand même un fléau assez important à Trois-Rivières. Mm-hmm. Donc, on sait que Robert Aubin s'attache beaucoup à cette cause-là. Donc, on ose croire qu'on pourra suivre la situation au cours des quatre prochaines années dans son prochain mandat. Tout à fait. Du côté du mot de la rédaction, on va juste dire simplement qu'Alexandra Lemire écrit un texte en alternance avec toi, donc toi aux deux semaines et l'autre deux semaines avec Alexandra Lemire. Son titre, c'est « S'orienter vers l'inconnu ». Exactement. On a Obsession Voyage qui organise en fait une expédition en Équateur au mois de juin prochain. C'est quand même quelque chose de gros pour un club voyage à l'UQTR. Oui, effectivement. En fait, c'est Jimmy Thibodeau qui nous a abordé pour qu'on parle de son projet. Donc Laurence nous a fait un article là-dessus. En fait, ce qu'il veut faire, c'est faire renaître un projet qui avait déjà existé à l'UQTR, donc Obsession Voyage, qui était un programme de voyage étudiant, en fait, qui existait dans les années 90, qui avait cessé d'exister, mais on sait que, je sais pas si c'est dû aux réseaux sociaux ou à quelque chose comme ça, mais les voyages autour du monde, particulièrement en Amérique du Sud, les voyages humanitaires, c'est quelque chose qui est quand même revenu à la mode ces dernières années. Donc, probablement qu'il a réussi à, je sais pas, avoir assez de participants, assez de gens pour le soutenir, pour faire renaître justement ce projet-là. Cool, voilà. Tant mieux. Et vous pouvez aller voir plus d'informations dans le journal, et ça vous dit aussi qu'il y a une petite rencontre dans les prochaines semaines par rapport à ça. On a un reportage, comme toujours, de la part de Lucas Hubert, et cette fois-ci, c'est sur le consentement sexuel. Oui veut dire oui. Oui, assez intéressant comme article. En fait... Donc, l'article parle de la culture du viol au Québec, mais aussi aux États-Unis. Puis Lucas va commencer son article en nous parlant d'un projet qui vient d'être mis sur pied dans l'État de New York, dans le réseau universitaire new-yorkais, en fait. Puis il nous explique donc que pour que deux gens consentants aient une relation sexuelle dans un contexte agréable, disons-le, sur les campus universitaires de toutes les universités de New York, en fait, le consentement doit être explicitement exposé. Oui. Donc, la personne doit dire oui ou non. Je le veux. Exactement. Oui, c'est ça. Disons que c'est pas une demande en mariage, mais malgré tout, ça doit être très clair entre chacun des parties, ce qui fait en sorte que si plus tard il y a une poursuite pour viol, l'accusé ne peut pas dire... que le consentement de l'autre personne devant elle était flou. Oui. Donc, assez intéressant comme article. Ça nous fait réfléchir d'ailleurs sur certains cas qu'il y a eu l'an dernier à l'UQTR. On va vous en parler dans le prochain numéro, probablement, d'ailleurs, de tout ça. C'est un sujet un petit peu plus... qui demande plus d'exploration. Ouais. Exactement. On peut pas en parler trop encore, mais il y a eu certains cas d'agression dont il est évidemment important de parler. Oui, et on va se renseigner avant d'écrire n'importe quoi. Voilà. Ensuite, on a l'éditorial de Sébastien Viertin sur les élections fédérales et il nous dit pourquoi il a pas dit pour qui voter. Évidemment, on a parlé de ça avec lui mercredi, donc on y revient. Pas trop, mais quand même. Ouais, simplement, dans le fond, on parle entre autres de votre stratégique ici, chose que beaucoup de gens ont probablement fait hier, un vote stratégique. N'importe quoi sauf conservateur, disons. Exactement. Donc, à savoir, est-ce que c'est la bonne chose à faire ou moins. En tout cas, ouais, au moins ça a marché. Au moins. Ben, ça a marché pour certains. Pour eux, c'est ça. Ensuite, dans la recherche à l'UQTR, c'est quand même un sujet intéressant qu'on ne s'attendrait pas à voir couvert dans un journal, mais les memes sur Internet. Oui. Perception de Stephen Harper sur les réseaux sociaux par Maxime Pronovo. Effectivement, les memes sur Internet, on s'attend pas rapidement à ce que ce soit un sujet de recherche. Non, c'est, mais non, c'est vrai. Malgré tout, ça reste quelque chose... c'est un phénomène qui est important, un phénomène qui est répandu chez, dans notre génération. Donc, pourquoi ne pas lui accorder de l'attention? C'est probablement la question que Maxime Pronovo s'est posée. Puis effectivement, moi, je suis d'accord avec ça. C'est quand même, ça démontre un peu l'opinion du peuple par rapport, à, entre autres, à ses politiciens. C'est d'ailleurs le sujet sur lequel il s'attarde en parlant des mèmes négatifs par rapport à Stephen Harper. Paix à son âme en tant que politicien. Ouais. En effet, il va en avoir plein aujourd'hui. Des gifs animés sur les leaders des partis politiques. Ah, probablement. Ça s'en vient, j'ai hâte de voir ça. Ensuite, un stage humanitaire au Cameroun. Retour sur l'aventure de Sophie Duguay. Ouais, on reste dans la thématique voyage ici. Sophie Duguay, on avait parlé de son voyage au Cameroun lorsqu'elle était sur le point de quitter pour faire son stage. On en avait parlé l'an dernier. Elle est maintenant revenue. Donc, on fait un retour là-dessus dans le journal. Elle nous explique à quel point elle a vécu un choc culturel, surtout par rapport au fait que, vous savez, le Québec, Canada, société très, très organisée, avec des ingénieurs relativement renommés. Donc, c'est sûr que d'aller faire un stage dans un pays où le développement de ce côté-là est beaucoup moins avancé, ça doit être quand même... assez difficile, donc, de s'habituer à cette culture-là. C'est donc un peu de tout ça dont elle nous parle dans cet article. On parle entre autres que les coupures de courant sont pas rares et que l'eau est coupée de 2 à 3 fois par semaine là-bas. C'est oui, effectivement. Donc, c'est sûr que ça ralentit un petit peu le processus de travail là-bas. Oui, exactement. Et la dernière chronique d'actualité, c'est celle de Marie-Odile Richard, l'actualité démystifiée. Aux armes citoyens, le temps des revendications est arrivé. Elle nous parle d'économie financière. Est-ce que ça vaut la perte de la qualité de l'enseignement? On passe en société maintenant avec 4 chroniques, comme toujours. Débutons avec Entre les deux pôles de Kevin Gaudreau. Faire une différence en montrant l'exemple. Voilà, donc la semaine dernière, Kevin nous parlait de nostalgie, des points positifs et négatifs de la nostalgie. Cette fois-ci, il s'attarde à la confiance. Mmh. Est-ce que c'est important de démontrer de la confiance? Certainement, c'est ce qu'il nous dit. Cependant... Faut être fardant non plus. Exactement. Ouais. Exactement. Donc, pour les gens qui ont peut-être moins confiance en eux, quelqu'un qui démontre trop de confiance peut s'avérer très négatif parce que ça peut un peu écraser les gens qui sont un peu plus introvertis. Donc, rapidement, c'est sur Kevin s'attarde. Ouais. Alors, on a Qu'est-ce que l'être humain de Normand Leclerc, un pseudo-philosophe et son titre. Ensuite, passons à Christina Monfette-Fortin et l'art de monter une mayonnaise et autres propos comestibles. Son titre, c'est Pelleté dans la cour du voisin. Oui, Pelleté dans la cour du voisin. Donc, également, je pense que ici, Christina reste un peu dans la même thématique qu'il y a 2 semaines. Elle va se poser la question, comment faire la différence lorsqu'on sait que même notre vote, donc beaucoup d'articles en lien avec la politique dans ce numéro-ci, évidemment. Lorsqu'on sait quand même notre vote fait peu la différence vu le système... À un seul tour. Exactement, le système de suffrage qu'on a. Donc, ce qu'elle nous propose, c'est de faire la différence dans les petites choses, par exemple, d'encourager les petites entreprises, choses comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est en lien avec son article de la semaine dernière, mais très intéressant comme article cette semaine aussi. Ouais. Et pour terminer la section société, c'est bien sûr Jean-François Veilleux et Je me souviens au pouvoir citoyen. Son titre, Le pays volé 20 ans plus tard, je pense qu'on s'entend que ça parle du référendum. Oui, effectivement. Donc, le référendum qui a eu lieu il y a 20 ans. Donc, quels sont les contre-coups de la chose? Intéressant de se poser la question, surtout étant donné le gouvernement qui a été élu hier. Exact. En loisir, on a l'illustration d'Alexandre Laramèze-Wicki ainsi que vos jeux. Passe en art et spectacle avec la nouvelle salle de spectacle. On veut le dire vite parce qu'on veut dire Tipitak. C'est le nom de la nouvelle salle qui s'en vient au centre-ville. Là où il y avait l'appart, là, c'est dans les mêmes zones. Exactement, librairie Poirier pour ceux qui sont plus du côté de la littérature. Salle de spectacle qui va ouvrir. Fort intéressant comme concept, évidemment. Lorsque Alicia s'est entretenue avec Pierre-Olivier Lessard, qui est celui qui va gérer la salle, lui a demandé quelle était la mission, dans le fond, de cette salle-là à Trois-Rivières. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une salle de spectacle comme celle-là? Évidemment, il croit que oui. Ouais. Je pense aussi, d'ailleurs, dans le fond, ça peut, d'un certain point de vue, remplacer ce que le Maquisard faisait. C'est ce que je m'en allais dire. Voilà, mais c'est sûr que le Maquisard était une salle un petit peu plus grande, énorme, étant donné que c'était dans un ancien cinéma, magnifique salle qui avait pignon sur rue. Cependant, étant donné l'état du bâtiment, c'est un peu difficile de se le réapproprier. Ouais. Et ça doit coûter cher de loyer aussi, une salle comme ça. Semble-t-il que c'est très difficile de... avec le propriétaire qui a là, de vouloir le rentabiliser exactement. Ouais. Pierre-Olivier nous explique que ce qu'il veut, c'est oui, accueillir des groupes émergents, mais essayer de créer une espèce d'ambiance événementielle autour du spectacle qu'il va avoir le soir. Par exemple, s'il y a un spectacle de punk le soir, on va pouvoir avoir un 5 à 7 avant de skate, quelque chose comme ça. Donc, il va essayer de vraiment garder ça actif plus qu'en dehors du spectacle. Musical en soi. Ouais. Donc, ça risque d'être très intéressant comme ça de spectacle. On leur souhaite un long feu, exactement. Voilà. Ensuite, Colin, vous le connaissez probablement, notre collègue du Dîner de con, Danny Janvier, 10e album pour Biobazar, c'est le lancement de Pareil Loli. Oui, exactement. Donc, ça valait la peine évidemment d'en parler, vu que c'est un de nos collègues qui fait de l'électronique que j'oserais qualifier d'assez organique. Très intéressant, sa musique. On n'en parle pas seulement parce que c'est notre collègue, on en parle parce que ça vaut la peine. Exactement. Voilà, puis hier, je parlais avec Danny, puis il y a l'événement, le Caniche Vampire, qui est un événement de financement pour l'atelier Silex. Oui. Puis DJ ce soir-là va probablement faire un pré-lancement. Oh, génial. Donc, petit scoop ici. Superbe. Si on reste en musique avec Tire le Coyote. Oui. Et le vent dans les voiles, lui. Voilà, Tire le Coyote qui est prochainement en spectacle à la salle Anaïs Allard Rousseau. Alicia est allée s'entretenir avec Benoît Pinette, le chanteur du projet, qui est en fait pas son projet solo. C'est lui qui compose dans ce projet-là. Donc, entrevue très intéressante avec ce que je pourrais qualifier d'un genre de Neil Young québécois. Ouais, avec ouais. Sa voix, hein, pas trop loin de Neil Young. J'imagine qu'il aime pas trop se faire comparer constamment, mais. Ou encore qu'il adore ça. Ouais, peut-être qu'il adore ça, mais une chose est sûre, c'est qu'on peut pas ne pas penser à Neil Young quand on écoute du Tire le Coyote. Ça vient avec. Voilà. On n'a pas de transition à faire vers quelque chose qui fait peur. Là. Ça aurait été bizarre de dire, genre, parler de choses qui font peur. Mais non. Donc, le parcours de peur à la vieille prison de Trois-Rivières quand les damnés s'éveillent. Oui, donc, rapidement, on va en parler. On en a déjà parlé l'an passé, mais cette année, encore à la vieille prison de Trois-Rivières, il y a un parcours de peur. Donc, vous pouvez aller un peu... frissonner au rythme de l'Halloween avec ce parcours de peur qui, cette fois-ci, est en lien avec les zombies. Ah. Donc, les morts vivants, très à la mode également là, ces temps-ci. C'est, dans le fond, le groupe Erol qui organise ça, qui organise déjà d'autres événements du genre par rapport aux zombies. Mm-hmm. Tout à fait, on les aime bien. Ensuite, journée d'études à la Galerie R3. Particulier quand même de faire une journée d'études là. Penser l'art par le monde et le monde par l'art. Oui, donc journée d'études qui est en fait une exposition. Ah d'accord, c'est ça l'affaire. Voilà, donc c'est pas si étrange que ça. C'est juste que l'exposition soulève des questionnements par rapport à comment faire l'art de manière plus écologique. Parce qu'on sait que quand on fait une toile, il y a un matériel qui est utilisé. Que ce soit une toile, que ce soit de la sérigraphie, que ce soit quoi que ce soit, ça demande de l'encre. On prend par exemple l'encre de Chine qui est faite à partir de graisse de porc. Donc, donc tu vois que c'est beaucoup de choses organiques qui sont utilisées pour faire ça. Est-ce que c'est nocif pour l'environnement? Oui, non. Est-ce que malgré tout, c'est utile à la société? Donc, évidemment, oui, mais est-ce que c'est, tu sais, le point de vue environnemental prend le dessus là-dessus? Mm-hmm. C'est la question qui se posait dans cette exposition-là, où vous pouviez voir des œuvres projetées. Donc, tout était informatisé. Cool. C'est donc le point de vue écologique de la chose qui est amené par ça. Mm-hmm. Alors, on va aller avec les deux chroniques. Trois chroniques, en fait, en art et spectacle. Commençons par la tienne, Louis-Philippe. Allons-y. Chronique de Lunatique. Ton titre, c'est « Ajuster l'aiguille sur le bon sillon ». Oui, évidemment. On ne parle pas de Dominique Sillon, évidemment. Non, on ne parle pas de Dominique Sillon. C'est ça. Jamais. Merci pour ton jeu de mots, Mathieu. Ça fait plaisir. Donc oui, on ajuste l'aiguille sur le bon sillon. Ici, je ne parle pas de musique, mais évidemment, vu que ma chronique est souvent liée à la musique, j'ai voulu faire un petit jeu de mots. Peut-être en hommage à toi, d'ailleurs. Merci, peut-être. Il y a quand même des CD derrière toi sur ta photo, donc. Oui, effectivement. Quelque chose de musical. Effectivement. Donc, c'est sûr que je m'éloigne pas trop du sujet, mais je me disais, Étant donné que c'est un numéro très politique, vu le contexte actuel, vu que c'était les élections dans hier. Dans la conjoncture voilà. moderne. Donc, je trouvais intéressant de parler de culture par rapport à la politique. En fait, la question que je me pose, c'est est-ce que d'inclure un peu plus d'âme dans notre politique ferait que le public serait moins blasé, ah oui, hein. disons. Donc, si je fais ça rapidement, c'est un peu la question que je me pose, parce que lorsqu'on discute, puis vous serez probablement d'accord avec moi, lorsqu'on discute avec les gens autour de nous, souvent, la politique, c'est quelque chose qui les intéresse de moins en moins. Mm-hmm. Est-ce que c'est... Moi, je pense personnellement que c'est dû à la froideur qui est associée à la politique. Parce c'est que, des zombies, je pense. Toute la gang. Ouais, ben, ouais. C'est un peu l'impression qu'on a. Puis là, je prends pas parti en disant ça, mais je regardais la campagne électorale, bien sûr. Puis j'avais l'impression que le chef du bloc, Gilles Duceppe, avait un petit peu plus de cette espèce d'âme-là. Mais malgré tout, c'est aussi de ça que je parle dans mon article. Il va tout le temps un peu ressasser, comme les autres politiciens, la même cassette. Ouais, mm-hmm. Donc, c'est une expression qu'on ressort souvent, la même cassette. On s'adapte pas, genre, tout le temps le même MP3, on dit pas ça. C'est ça, non, c'est ça exactement, mais moi, je veux pas qu'on... Dans mon article, je parle pas qu'on doit s'adapter, au contraire, je dis qu'on doit revenir, on doit quitter la cassette pour revenir... Au vinyle, mon Dieu. Au vinyle, à la table tournante, parce que ça a une arme. Donc, c'est là que je fais ma petite analogie avec la musique dans cette nouvelle chronique, voilà. T'es fort, Philippe. Vision d'Anna, c'est une nouvelle chroniqueuse qu'on accueille. Elle prend la même place dans le journal que Camille Durand-Plourde, mais explore le sujet de la littérature différemment. C'est pas des critiques littéraires nécessairement. Je comprends bien. Oui, exactement, ça ressemble à ça. Donc Camille, on sait qu'il avait une chronique très intéressante où elle abordait à chaque deux semaines un nouveau livre. Annabelle, je pense qu'elle va vouloir faire ça un peu plus large. Donc cette fois, elle nous parle d'une émission qui est très intéressante à la radio. Radio-Canada, première. Donc, elle nous parle de l'émission de Alain Farah, Alain les extraterrestres, Alain Farah qui nous avait sorti Pourquoi Bologne il n'y a pas si longtemps, un livre qui avait été encensé par la critique. Donc, cette fois, il nous fait un feuilleton, un genre de feuilleton où il fait la narration de ce qu'il écrit, qui est un projet de science-fiction qui va un petit peu aller rejoindre les gens qui n'aiment pas la science-fiction. C'est d'ailleurs le cas de notre nouvelle chroniqueuse Annabelle, qui n'est pas une fan de science-fiction, mais qui malgré tout a apprécié énormément ce que fait Alain Farah dans cette. Dans ce feuilleton radiophonique. Vraiment bien. Donc, Annabelle Deschênes-Gagné qu'on accueille dans l'équipe. Et ceux qui s'ennuient de Camille Durand-Plourde, évidemment, suivez-la sur Facebook, mais vous pouvez retrouver sur zonecampus.ca toutes ses chroniques précédentes pour relire tout. Exactement. Ça fait quand même un petit bout qu'il était au Zone Campus, donc il y a beaucoup de matériel à lire. Toujours dans l'ombre de nos journalistes, de toute façon, étant donné qu'elle les corrige. C'est ça, elle les corrige. Donc, elle est toujours présente. Exact. Toujours dans l'équipe. La petite ténébreuse, Michel Robitaille, qui est de retour avec une chronique Le crash boursier de 1929, l'entre-deux-guerres mouvementé. Oui, donc on en parle rapidement. Comme à chaque deux semaines, Michel va s'attarder sur un sujet historique qui est en lien avec le mois duquel le journal sort. Ouais. Donc, cette fois, il nous parle du crash boursier de 29, événement évidemment historiquement très important. Ouais. De retour aux nouvelles d'art et spectacle, les occupés, on les connaît bien. Deux filles dont on n'a pas fini d'entendre parler, ce sont des gens qui sont... proche de ces fous sur le campus, donc on parle d'Alexandra Carignan, on parle de Samantha Bérubé, des joueuses d'improvisation entre autres, donc on tourne autour d'elles. Oui, donc très présente dans le milieu culturel trifluvien, elle s'intéresse à la culture et nous offre donc dans cette optique un blog que d'ailleurs vous irez voir, très intéressant leur blog, Les Occupés, l'infographie du blog est magnifique à mon avis. C'est super le fun de l'œil là-dessus. Puis ils vont nous parler un peu de ce qui se déroule dans la culture locale. Pas si loin, en fait, de ce qu'on parle dans le zone campus, ouais. Si vous voulez mon avis. Mais avec un autre œil. Voleuse, non. un œil extérieur assez intéressant. En tout cas, moi, j'ai bien aimé aller découvrir leur blog. Oui, puis ils font des petites activités dans la vraie vie aussi auxquelles on peut s'inscrire. Voilà. Le calme et la tempête, parce que le vaisseau d'or et Navet Confit étaient en spectacle récemment au Zénob. Oui, effectivement, donc le vaisseau d'or qui n'était pas de son premier passage au Zénob. J'ai déjà eu l'occasion d'y voir à quelques reprises. Groupe très intéressant, particulièrement du fait, c'est là-dessus que j'aimerais m'attarder pour cet article. C'est très intéressant le vaisseau d'or parce que c'est un groupe qui est principalement composé de deux membres principaux qui écrivent les chansons, mais il y a beaucoup de musiciens qui gravitent autour de ce groupe-là, de sorte qu'à chaque fois que tu vas les voir en spectacle, il risque d'avoir un musicien qui était pas là au dernier spectacle. Donc, c'est un projet artistique assez intéressant dans cette optique-là, parce que ça va il va avoir un son très grandé vers le chanteur et guitariste, mais qui va malgré tout varier selon le fait que, par exemple, il va avoir un flûtiste à tel spectacle. Mais moi, quand je les ai jamais vus avec un flûtiste. Moi, la dernière fois que je les ai vus, c'était un accordéoniste. Ah. Mais il était de passage au Zénobles la semaine dernière, puis c'était une flûte traversière qu'il y avait avec eux. Donc, ça change évidemment le son. Ben oui. Voilà. C'est certain. Et pour terminer, une petite performance dont vous avez peut-être entendu parler, c'est la skieuse de rue. 56 secondes où tout est permis. Oui, donc assez cocasse ce qui s'est produit au centre-ville il n'y a pas si longtemps. Donc, il y a une artiste, Kim Lafontaine, une artiste qui est finissante en art visuel à l'UQTR, qui s'est présentée au centre-ville avec un saut de ski très années 90, si je me le permets. Donc, fluo, on aime ça revenir à cette mode-là. Ouais. Avec des skis, il a tout simplement mimé qu'elle skiait dans la rue. Donc, le processus derrière ça, c'est qu'elle se pose des questions par rapport à la démocratisation des arts visuels. Comment est-ce qu'on fait pour introduire les arts qui sont, disons, les arts un peu plus élitistes dans une société qui n'est pas habituée de les voir. Donc, évidemment, ça a choqué certaines personnes, ça en a fait rire d'autres, mais certainement, ça fait jaser. Mais oui, ça a fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux. Voilà. Mon Dieu! Hashtag! Hein. Ouais, c'est sûr. Donc, ça, c'est les arts et spectacles. Il nous reste les sports et je lègue la section sport à notre ami Tania Moon. Louis-Philippe, le Colisée sourit aux Patriotes pour côté hockey. Oui, donc les Patriotes en hockey qui ont quand même relevé un bon défi avec cette partie et qui ont gagné une semaine après s'être sortis d'un périple en Ontario où il y avait eu une victoire, une défaite. Donc dans le fond, ça a pas mal été, ça a pas bien été non plus, mais faut savoir qu'ici, tout s'est bien déroulé et ils ont gagné au Colisée. On rappelle aussi qu'ils vont être du côté du Colisée mercredi, donc demain, pour une des games contre McGill, si je ne m'abuse. Tu vois, c'est pour ça que je laisse les sports. Chloé nous parle de l'escalade comme nouveau sport. Oui, donc on quitte un peu le milieu universitaire de ce côté-là, mais c'est intéressant d'en parler. L'escalade, qui est un sport, je ne sais pas si vous en entendez parler autour de vous, mais qui prend beaucoup, beaucoup d'importance. Ça grimpe, hein, comme on dit. Ça grimpe, effectivement. Ça grimpe. Voilà. En popularité. Donc, évidemment, ça va devenir probablement un nouveau sport olympique. C'est donc de ça que Chloé nous parle. Et du côté du soccer, eh bien, évidemment, universitaire, qu'est-ce qui se passe de côté? Le côté du soccer, dans le fond, le soccer universitaire... Ça va bien, ça a débloqué après des débuts un petit peu difficiles où on s'est incliné 2-0 contre l'Université McGill. Cette fois-ci, on retrouve l'équipe qui, dans le fond, les Patriotes ont gagné 4-1 contre l'Université de Sherbrooke. On est fiers d'eux autres. Et du côté, comme on a dit hier, Mathieu, UQTR. Même si moi, je l'aurais appelé TERRE dans ce cas-là. Oui. Mais bon. UQTR, hein? C'est vrai, dans le fond, en lisant, je réalise. Ah! On se comprend aussi qu'ils ont tort, genre le comité. Ben, écoute, je pense que oui. D'accord. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. On va falloir leur parler. C'est 3-1. C'est ça. On parle de yoga. Donc oui, je me souviens pas si j'avais parlé du programme UQTR. UQTR, donc la dernière fois que j'étais venu ici. Je m'en souviens pas si j'en avais parlé, mais programme très intéressant qui permet à des étudiants de s'essayer à plusieurs sports, soit de relaxation ou de plein air, mais dans ce cas-là, toujours en plein air. Ça permet vraiment d'essayer, par exemple, cette fois-ci, le yoga qui a accueilli gratuitement quelques étudiants. Question de s'initier à ce sport qui est vraiment à la mode depuis bien, bien des années. Et en terminant, eh bien, on parle aussi de natation universitaire. Oui. Effectivement, donc un bon début de saison pour le nageur Alex Gilna qui a obtenu la 5e position. Donc c'était, dans l'article qu'on en parle, c'était le baptême du feu pour plusieurs recrues de l'équipe de natation. Cependant, on ose croire que ça annonce une très bonne saison parce que oui, il y a place à amélioration, mais malgré tout, comparativement à la saison dernière, on a accumulé plus de points à pareille date. Et comme on vous le répète encore une fois, eh bien, à chaque deux semaines, le Zone Campus sort un peu partout au travers du campus, mais aussi un peu partout à travers la ville de Trois-Rivières. Donc, vous pouvez retrouver le Zone Campus au centre-ville. Il devrait être disponible dans les racks un peu partout vers quoi? Midi, à peu près? Ah, ben midi un peu partout sur le campus. On verra pour le reste. Mais une chose est sûre, c'est que vous allez pouvoir le consulter aujourd'hui un peu partout à Trois-Rivières. Excellent. Merci beaucoup, Louis-Philippe. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Le journal qui va être en kiosque jusqu'à dans deux semaines et on va te retrouver dans deux semaines le mardi à 8h30. Si je suis réveillé, effectivement. Ben ouais, faut tout le temps te rappeler à quelle heure est ta chronique. Merci, Louis-Philippe Quentin. Merci à vous. Merci, Tania aussi. Merci. Dans quelques instants, ce sera la chronique de Gabriel Béhout dans les coulisses de la Luître. Mais pour l'instant, quelques messages. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Bon retour, c'est toujours Assemblage Reiki, votre émission matinale en pièces détachées. On est mardi 20 octobre 2015 et les Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oh que oui, absolument, c'est la vérité, comme toujours. Des fois, tu te trompes des fois, mais rarement. T'sais. Rarement. Quand t'as tort, ben je le souligne. Oui, qu'est-ce que tu veux souligner là? Pas rien à date aujourd'hui, mais il te reste encore 25 minutes d'émission pour tromper dans quelque chose. Tiens, je suis sûr que tu te tromperas pas en le regardant, tu vas faire comme « Hey, wow, mais c'est Gabriel B! » C'est Gabriel! Eh hey, bonjour, vous allez bien? Oui, c'est dans les coulisses de la Luître. Bonjour Gabriel Béhout. Salut Mathieu Plante, ça va? Oui, très bien, toi? Ah oui, ça va. As-tu gagné des élections? Si j'ai gagné mes élections? non. Non, c'est ça. Allez, pas obligé de répondre, tu sais. Hein, on disait en ronde et en onde au début de l'émission que Caroline, que la question « As-tu gagné tes élections » est tellement personnelle. Oui, oui. Ah, mais c'est vrai? Pour qui t'as voté? Moi, je réponds tout le temps. Je suis indécise. C'est ça. Après avoir voté, j'étais indécise. J'ai coché la case « Toutes ces réponses oui, ». Ouais. Exactement. C'est ça. En tout cas. Bref, peu importe, hein, les élections, c'est-tu passé? Oui. Ben comme le match hier. Comme le match hier, parlant de vie dans le passé et d'élections, Colin, que c'était difficile à suivre comme match d'impro hier. Hein? Ah oui, parce que là, on avait comme le match à l'avant et puis les élections à l'arrière. C'est ça, disons que tout le monde qui était sur la scène, c'est-à-dire les joueurs, l'arbitre et les animateurs, voyaient les résultats des élections, mm-hmm. alors que les spectateurs, eux, voyaient le match d'impro. Exact. Wow. C'était spécial. Oh oui, c'était pas une vibe... C'était pas la vibe, la meilleure vibe, je te dirais, c'était... que j'ai vue dans la chasse-galerie de ma courte carrière d'improvisation, mais c'était vraiment bien aussi. Le public était tellement comme pris par d'autres choses, je vous jure, il y avait des tablettes et des téléphones avec les résultats des élections partout dans la salle, et je vous jure, genre, j'arrive sur la scène pour dire « Bonjour, chasse-galerie! » Là, les gens me regardent, oui, quoi d'autre? Là, je fais « T'applaudissez! » Il fallait leur dire. Ah oh, oui, okay. C'était ce c'était genre mort, de... un peu, mais... Mais c'est pas grave, c'est non, aussi imputable. On a eu un départ très lent hier. Là. C'est ça. Et les élections ont un grand rôle à jouer. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait peut-être... Moi, j'ai estimé tantôt, je voulais savoir ce que t'en pensais, entre le tiers et la moitié de ce qu'on avait d'habitude à un match d'impro, mettons. Moi, je dirais même le deux tiers. Deux tiers? Oui, oh, la chasse était quand même assez remplie. Cependant, c'est sûr que c'était pas le public le plus assidu. D'habitude, c'est vrai qu'on est habitué à une foule légèrement plus grande que ça. C'est ça. Mais c'était bien aussi parce que faut calculer qu'il y a les élections, il y a aussi la mi-session. La mi-session, oui. Qui est peut-être même plus importante parce que les gens ont quitté à la moitié du match. Mais oui. C'est vraiment spécial parce que le reste de l'année a été vraiment majestueux côté public. Oh oui, en effet. Il faut dire qu'on a commencé la session avec un match spécial. Oui, où il y avait 2500 personnes. C'est ça, 2500 personnes debout dans les gradins. Oui. La chasse. Hein? Quand même. Ensuite, on a eu une pause pour le recrutement. Un match showcase. Oui, où là, il y avait un autre 5-6 000 personnes. Facilement. Une pause après ça, à un moment donné. Un match pour l'action de grâce, la pause. Après ça, là, il y a une autre pause la semaine prochaine. Ah, c'était... Puis on c'est vient. Pourquoi celle-là? Hey, on est rempli de pauses. C'est la semaine de relâche. Ah, la prochaine. C'est la semaine de relâche. Fait, ouais. C'est match, pause, match, pause, match, pause. Il n'y a pas d'habitude encore. Là. À partir de la semaine prochaine, on va revenir et ça va être, je pense, comme 6 matchs de fil. 1, 2, 3, 4, 5. 5 matchs de fil. Oui. Incroyable. Plus un match spécial, puis après ça, 2 autres matchs de fil. C'est en plein ça. C'est un bon genre 8-9 semaines d'impro. Ah oui, ça va être grave. On entre dans une grosse période. Mm-hmm. Ouais. Mais pour rester sur hier, ouais. Ça a fini 7-6. Oui, oui, oui. Pour les... Ouh. Ouh. Oui. Ton équipe, ça. Oui, c'est mon équipe. En fait, hier, ça a été un match très spécial. parce que je parle pour les deux équipes, c'est, ça a été un départ lent. Et puis l'arbitre, Mme Mongrain, l'exécrable Mme Mongrain, a su nous... Qu'est-ce que c'est? Non, rien. Vas-y, continue. Ça paraît que tu l'as jamais rencontré. L'exécrable Mme Mongrain nous a donné plusieurs pénalités. Oui, ça arrêtait plus des personnels, puis des d'équipes. Oui. Oh. D'ailleurs, je sais pas si c'était son manière de me dire qu'elle a un kick sur moi, mais elle m'a donné une coupe de pénalité personnelle. J'ai donc été expulsé du match. Au retour de la pause, je pense. Vraiment, t'as commencé. Oh oui, à peine. Ça faisait quoi, deux impôts peut-être. Ouais. Et puis t'as pas pu revenir à la fin pour faire les présentations. Non. Tellement que les gens se demandaient t'étais rendu où. T'étais au fond de la salle. Oui. À regarder le match comme un épais dans, comme un spectateur, tout ce que j'ai agréé. En buvant sa colère. J'étais rouge. Rouge. De colère. C'est ça. Un vrai Justin. Ah oui. On t'a appelé d'ailleurs. Justin. Justin, c'est ça, Justin. Le match d'hier, ton reporter préféré, Gabriel Boutant-Tréhaud, était sur le terrain. Ah oui, oui, oui. Donc, Mathieu, je dois t'avouer quelque chose. Ah bah dis-moi donc ça. Les gens qui sont habitués à cette petite chronique préenregistrée de notre collaborateur. C'est pas live, ça? Non. C'était live d'hier soir. Non, mais ce serait bon dans Back to the Future 4. Ouais, ouais. Je me suis fait avoir l'autre fois avec un trailer de Back to the Future 4. Naïf. Ah, mais ça avait l'air vrai, Mathieu. Ouais, mais là, c'est quoi? Puis je me suis fait avoir comme un... tel un chevreuil devant des lumières. Wow! Ouais. Hier... notre chroniqueur a éprouvé quelques petits problèmes techniques. Vous allez le voir dans la chronique, je pense. Un peu comme le personnage lui-même, des fois, manque de batterie. Oui, définitivement. La lutte, les universitaires. Tu sais, il manque de batterie. Mm-hmm. C'est comme t'as juste besoin d'une petite tape derrière la tête. Ben, ça a été le cas hier. Ils ont manqué de batterie sur toute la ligne. C'est ça. Ben, le voici, Gabriel Boutant-Tréhoud, et la chronique lundi soir, le matin. Allez! Écoutez lundi soir le matin, la chronique sur l'impro universitaire. Alors, je suis présentement devant le 10-12, institution fortement connue, qui est située tout près de la Chasse-Galerie, tout aussi connue. Mon nom est Gabriel Boutant-Tréhoud, et je couvre le match de la Luître, la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières. Ce soir, un match oppose les oranges aux rouges. Alors, bon match! Face à face! Pour les biens de cette chronique, j'avais prévu... discuter avec Jonathan Picard. Malheureusement, un ennui est survenu. Alors, je vais en profiter pour vous lire sa fiche de joueur. Jonathan Picard est un joueur au bac en loisirs, culture et tourisme. Pour lui, l'improvisation, c'est partir dans des délires avec d'autres gens dans le seul but de m'amuser. Ces trois univers favoris sont les dramatiques, j'aime bien, un bon amateur d'aparté et les impros claps. Maintenant, une chanson qui lui ressemble. Le tout dépend de mon état d'esprit. Il faudrait minimum 3 albums gravés légalement. Pour bien me décrire. Face à face. Alors, je suis avec Alexandrine Piché, la nouvelle joueuse de l'équipe des Rouges. Alexandrine, qu'est-ce que tu manges avant un match? Étant donné que je suis végétalienne, j'aime bien me faire du tofu avec des légumes sautés, des petits trucs comme ça, là, pour bien des bonnes protéines avant un match. Est-ce que t'es vraiment végétalienne? C'était le personnage, Gabriel. Ah, t'es pas végétalienne? Non, en fait, je tripe sur le steak, genre vraiment beaucoup. Nice, et j'imagine que tu le manges saignant rouge. Oh yeah. Et maintenant, lors d'un match, comment est-ce que tu te sens? C'est sûr que je suis très fébrile, mais j'aime tellement le théâtre, j'aime tellement l'improvisation que ben, je peux m'amuser. C'est surtout ça, c'est pour ça que je fais ça en fait, c'est pour m'amuser puis avoir du fun. En espérant que tu t'amuses beaucoup ce soir. Merci. Alors bon match. Merci Gabriel, bon match à toi. Ce qui m'arrive, on dirait que le monde est en train de changer. Je me suis peut-être fait des idées. Je suis pas devenu celui que j'étais. Imaginez. Ah, c'était Gabriel Boutant-Tréhout, notre reporter sur le terrain. Oui, comme je vous disais, il a éprouvé de nombreuses difficultés techniques, donc il était contraint de se lever à, c'est pas des blagues, 3h30 du matin. Ben non. Ah oui. 3h30? Oh oui. Tu parles d'un chiffre pas rond? Non, je sais. Pourquoi pas 4h? Ou 3h33? Oui, genre, c'est pas rond, mais ouais. Ouais. Ben c'est rond parce que c'est comme plein de ronds dans... C'est tout le même chiffre. Poitrine, ouais. Ouais. C'est ça. Mettons ton poulet. T'es-tu... Bravo! T'es-tu plus cuisse ou poitrine? Ah, que je suis dans poitrine! Ah, moi aussi, la cuisse. Toi, Tanya? Ah! Cuisse. Cuisse. Je pensais dire, moi, c'est les queues de grenouille. Les queues de grenouille. C'est les cuisses de grenouille. Cuisse, que tu veux dire? Ah, j'avoue. Ouais. Cuisse. Toi, t'es plus cuisse. Explique-nous donc ça, pourquoi? Qui aime les cuisses dans le poulet, hein? Je déteste voir la carcasse de poitrine, ça me lève le cœur. Ben voyons, la carcasse de poitrine, il y a bien plus de poulet, là, bien plus de chair, blanche. Ça m'écœure. Fait que toi, t'es même le genre à prendre un club viande brune. Oh, yeah. Non, pas ça. Si le poulet est désossé, I'm fine, je suis correct. Mais mettons, la sauce barbecue ou standard ou brune, mettons? Ben, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, mettons... Si tu vas chez Saint-Hubert, il t'en donne juste une. Ouais, mais dans la vraie vie, mettons ailleurs que chez Saint-Hubert, parce que c'est rien que ça. Tu sais, genre, mettons dans une poutine. Ouais, c'est du ouais. Original. Original, voilà. Au moins, elle a du goût là-dessus, ça. Ouais, le monde qui prenne des poutines barbecue, là. Mais ça, c'est spécial. Hey, mais niaisez-vous. Bon. Mais une fois de temps en temps, ça peut être bon. Comme une poutine italienne. C'est pas une poutine, premièrement. Ça, c'est bon. Mais c'est bon. Ça, c'est un choc de culture incroyable. Propre au Québec. C'est ça, c'est comme végétalienne. Ma poutine, je l'aime, végétalienne. C'est ça, une poutine végétalienne, c'est assez simple. D'habitude, on sert ça dans un verre puis on remplit ça d'eau. Il n'y a pas de frites, pas de fromage, pas de sauce. Dans le fond, c'est un verre d'eau. Ouais. C'est. Miam, hein? Faible en gras. Oui. C'est ça. C'est sûr. Oh, oui. Salade de choux, crémeuse, traditionnelle. Crémeuse. Traditionnelle. Traditionnelle, all the way. C'est bien meilleur. Ouais. Ben voyons donc. Hein? C'est vinaigré au bout. C'est délicieux. C'est tellement bon. Ben oui, juste à y penser, j'ai comme un petit sourire dans l'arrière des malheurs. Ça fait mal, mais en même temps, t'aimes ça, t'en veux plus. Si, mm-hmm. si c'était un son, ce serait ça à peu près. Ah, c'est moi, j'ai manqué, refais-le. Comme un cochon? Ouais, mais... Quand tu l'étranges? Mais c'est le son que j'imagine que tes molaires font, tu sais... À l'intérieur. Ça serre, là, ça fait comme un... Je suis d'accord, les gars. Si on peut mettre un micro dans la bouche en faisant... en mangeant du citron, mettons, ça serait drôle. C'est pas pareil. À la place d'une colonoscopie, là. Une colonoscopie de la gueule. Ouais, genre... ouais, ben c'est... J'espère que c'est pas le même tuyau, parce que... c'est... Non, mais c'est, la technologie n'est pas encore rendue, on peut mettre une caméra dans ta bouche. Il faut passer par les fesses, puis se rendre jusque dans ta bouche. Mon Dieu, c'est donc une idée de merde. Fais pas passer par le nez, à la place. Par le nez? C'est bien trop facile, c'est bien trop proche. Hein? Parce que tu veux voir le chemin au complet entre... À un moment donné, tu sais, le progrès, c'est ça le progrès. Ça arrête plus, hein? Ben oui, parole sage, tu sais. En tout cas. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le poulet que t'as besoin avec... Ah oui, vos frites ondulées, OK? Congelées ou traditionnelles maison? Ben là, ça, c'est même pas une question, c'est maison. Maison, moi aussi. C'est une très bonne question, mon Dieu. Congelé maison ou les petites avec des zigzags dedans. Ah, mais t'en as passé une que je trouve assez exceptionnelle. C'est quoi, Mathieu. Les juliennes? C'est, non, ben ça, c'est très bon. Oui, c'est vrai, ouais. C'est bon. Mais surtout les juliennes très salées. Très salées. Mais les frites, là, que c'est comme des genres de tortillons barbecue, ouais. Je sais pas trop quoi. Ça joue spirale, mais ouais, ça, j'ai, ouais, c'est ça, j'ai pas mangé ça depuis peut-être 14 ans. C'est mais dans mes souvenirs, c'était excellent. C'est très, très bon. Ça, puis les petites patates sourires. Oui, les patates, patates à déjeuner. On en parlait des patates sourires l'autre jour. Oui. Bon point. Oui. Oui. Des fois, en plus, il y en a qui ont pogné des accidents de char dans les patates sourires parce qu'ils ont comme le sourire à moitié détruit. Mais c'est donc bien somptueux, ces petites patates-là. Ça n'arrête pas. Mais mes options étaient quand même congelées ou maison. Mettons, on va y aller juste avec le simple. OK. Mais est-ce que tes maisons sont faites sur le fly ou sont faites congelées? Non, non, sont faites maison dans une friteuse, tu sais. Ok, j'ai. Live, là. Mais mettons que t'es prêt au restaurant, t'avais-tu ça maison pareil, Mathieu? Ah, ben là, vous commencez à aller dans. Vous commencez à couper les frites je en quatre. Je vais prendre maison, dans ce cas. Ça va devenir des juliennes. Maison. Ouais, maison? Ok, moi ouais. Aussi, maison. Good. On s'entend là-dessus, 3-0? Ouais. Good. Okay. Hey, à date, on est une émission de consensus. Oui, on est tight, là. Ah, oui. On est tight, c'est le consensus. Ah, bref. Ben, je pense qu'on n'a pas fini de parler d'impro avant de divaguer sur ça. On y reviendra. Hein? Ouais. La semaine prochaine, pas de match? Non, parce que c'est la semaine de relâche. Moi, je vais être dans un tout inclus à Cancun, Mexico. Oh! En train de me faire griller. Non, mais c'est pas vrai. Tu vas te faire griller comme des frites au four? Oui. Dans le fond, c'est ça. Je m'en vais dans un four. Ça va me rappeler des souvenirs. Ça va te donner un petit peu de temps, Gab? Moi, je sais, j'ai pas. Mais... J'ai travaillé de nuit comme pas mal tout l'été. Ah, puis. Mais l'auto-bronzant, ça te tente pas, hein? Ouais. Hein? L'auto-bronzant. La nouvelle loterie de l'Auto-Québec, l'auto-bronzant. De me faire bronzer. De me faire bronzer en char. Ouais, genre. Ça. Non, moi, je suis pas tellement de type bronzage. Moi, je suis plus type enfermé, les rideaux fermés, les sanglots. Oh boy. Tu veux en parler? Ben, voyons. Non, j'écoute souvent des vidéos de moi quand j'étais petit. Ah! Tu sais, sur la cassette que tu mettais dans une autre cassette. Oui, oui, la cassette dans une cassette. Ouais, l'adaptateur de cassette. Ouais, la cassette Inception. J'écoutais ça beaucoup. Ça me rappelle des beaux souvenirs. Ah, mais là. Ça m'empêche, je sais pas comment. Non, on va parler d'autre chose parce que ouais, je pense non, que c'est trop. Ça, là. C'est... Mais, l'auto-bronzant me fait penser à, mettons, le petit PAM là, que tu mets dans ta poêle. Tu sais, le PAM, genre, PAM, PAM, PAM, PAM. T'sais? Mais là, c'est non. Pas tout auto-bronzant qui est en spray de même. Non, mais tu sais, du spray tan, on. Non, mais du spray PAM. Mais spray PAM! Oh, tu seriez bon avec du spray PAM. Mais ne vous trompez pas, si vous enduisez de PAM, vous ne bronzerez pas, vous serez seulement. Difficile à attraper. D'accord. Graisseux. Le petit cochon graisseux, ouais. C'est du spam qu'ils mettent dessus. Exactement. Dans Joe Lacrasse, ils mettaient ça dans. Il y avait un. Ça, c'est Joe Dirt en français, je te dis. Ouais. Wow. Ah, Joe Lacrasse, c'était drôle, ce film. En tout cas. David Spade. Mais moi, je le trouve très drôle, David Spade. C'est mais... pas dans quoi, moi. Ouais. Mais dans Touche pas à mes filles, c'était le meilleur oui, personnage. Ben oui, ça, c'est vrai, ça. C'est celui qui remplaçait l'autre qui est mort. Mais ils ont déjà été là ensemble. Ouais, ça, c'était ouais. Comme le mononcle bizarre, tanguy oui. Un peu. C'était le grand-père. Ils cousaient tout le temps les amis des filles. Ouais. La dent était très bon. C'est bon, ça. Ouais. Série pour enfants préférée? Série pour enfants préférée? Ça me met devant des liens mais, par rapport. Oh, ben, Mathieu, moi, je vois ta voix, là. Je trouve que c'est une très bonne question. Et puis, j'aimerais ça savoir s'il y a des auditeurs qui avaient le même combo que moi le matin. Okay. Moi, le combo par excellence le matin avant d'aller à l'école, c'était Jackie Chan, Bob l'éponge. Les dessins animés? Ah oui. Jackie Chan, le dessin animé? Ah oh, oui. Wow. C'était malade. Il y avait le vieux là, qui avait sa formule magique qui était « Oh mon gars, bye bye, oui, ciao ». Ça, s'il y en a qui se rappellent de ça, c'était la formule pour délivrer les talismans. Et puis, juste avant ça... T'avais Bob l'éponge avec deux épisodes. Dans le fond, c'était tout le temps des épisodes de 15 minutes. Ok, oui. Vraiment super atrocement farfelu et absurde. Puis c'était vraiment bizarre là, de montrer ça à des jeunes, mettons, de 12-13 ans. Influençable. Moi, ça m'a bugué. Je pense que ça m'a loussé une coupe de boat parce que j'ai trouvé ça incroyable. Ils n'ont jamais été revissés depuis. Non, en effet. On a perdu l'outil. Toi, Mathieu? Hein, moi? Ah, moi, j'étais tellement radio-enfer quand j'étais jeune. Oh, radio-enfer. Mais ça jouait pas le matin? Ah, ça joue tout le temps, cette histoire. Le matin, moi, c'était. Ben, on a-tu dit le matin? Non, t'as raison. C'était émission pour enfants, mais. Émission pour enfants, ouais. Télépirate. Télépirate, c'était bon, ça. Maison, Radio Enfant. Genre, j'écoutais les zinzins de l'espace. Hein. Les zinzins de l'espace. C'est drôle, ça. Ah, mais lui, il est vieux. Ouais, je suis un petit peu plus vieux. Une affaire que. Je sais pas si vous autres avez déjà écouté ça, puis moi, ça aussi, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Les pieds dans la marge. Ah, mais hey! Ça, oui. C'était hilarant. Et la suite, le monde en gros. C'est les gars, c'est un trio, quoi de ça? Je pense sont quatre. C'est un trio, non? Trio, non, sont trois. Et puis, c'est des. C'est genre, ils prennent un sujet. Ils sont de Gatineau ou Hull, ouais, là, ils sont comme proches d'Ottawa. Ils sont franco-ontariens. Ouais. Ils jouent à TFO, le principal là-dedans. Avant, il y avait une mission à TFO. Ah, ok. Puis, ils prennent une thématique, l'importance de quelque chose. Puis là, ben, ils vont faire des défis physiques, ils vont aller à des sports extrêmes. Ils vont. C'est super absurde comme humour. Oh, ouais. Tu sais, c'est de là que vient Politician. Le policier ouais, anglophone. Politician, ouais, c'était un très bon, lui. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Le boss d'un réseau de télé, là. Oui, qui est vraiment trop pourri, mais lui, c'était comme l'animateur de l'émission, c'est si ça. On veut. C'est comme le mauvais, genre, qui présente. Avec une l'émission. Perruque vraiment trop boboche, puis en tout cas, c'était drôle. C'est vraiment drôle. Moi, j'aimais bien. Comment il s'appelait? C'était comme un professeur de secondaire. Oui. Ah, ça me fait brailler de rire, c'est, ça. C'est complètement cave, ça. J'en braille pour que ce soit drôle. C'était là. Très drôle. Ça fait penser un petit peu aux appendices. Oui, comme mais style. Vraiment beaucoup. Et les quatre saisons sont disponibles sur DVD. Oui, oui. Des pieds dans la marge. Il me semble que c'est quatre. Je crois que c'est quatre saisons. Oui. Il est aussi en torrent illégal sur Internet, mais on n'en parlera pas. Non, mais c'est ça. On commencera pas à parler de Lego ici. C'est ça. Et ce qui était trouvable, c'est la suite parce qu'il y a eu une version. Le monde en gros, ça aussi, c'était très bon. C'était plus pour les adultes à Radio-Canada. Ça a duré juste une saison, mais ça, c'était introuvable, je trouve. Non, mais c'était très bon. Oui. Ça ressemble vraiment beaucoup, les mêmes personnages, mais, les gars. Je me rappelle d'un souvenir lointain où j'étudiais à l'UQAM, qui est situé juste aux côtés de la Bibliothèque des Archives nationales du Québec. Ouh! La grande bibliothèque, en fait. Ouais. Et puis, Le Monde en gros était disponible en DVD. Arrête-moi donc ça. Ouais, en location complètement gratuite. Ben, donc, je présume qu'on peut peut-être même s'y commander au Centro, à la Bibliothèque municipale. Allons voir ça. Partenariat. C'est ce qui manque parce que j'ai les quatre saisons, mais j'ai pas le Monde en gros. T'as les quatre saisons de. Ah. Tout à fait légalement. Tu veux dire? Pas légalement. Mathieu. Je sais. M'excuse, mais les DVD étaient plus disponibles dans le magasin que je suis allé. Ok, ok. Fait que tu sais. Je comprends. Je voulais pas juste acheter une saison genre la 3. T'sais. Non, mais aussi, ça, lorsqu'on magasine là, des CD ou des DVD, ouais. Là, moi, j'aime ça, acheter des CD à l'occasion. Ouais. Moi aussi, quand j'aime vraiment quelque chose, je vais l'acheter. Éventuellement, je vais acheter tout. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais t'as-tu remarqué que pas mal tous les magasins de CD, c'est soit le CD il est à genre 5 ou 10 piastres. Ouais. Ou genre 32 000. Ouais, ben c'est ça, 32 000 euros, tu sais. Ouais, c'est ça. Il n'y a jamais d'entre-deux. Il n'y a jamais un CD que c'est comme, ah, 15 piastres. Ouais. C'est comme pas mal mon budget maximum pour c'est un ça. CD, tu sais. Fait que tu te ramasses à acheter, tu te dis, ah, ben j'aime bien ce groupe-là, fait que je vais acheter les trois albums qui sont à 3 pour 15 piastres, mais il n'y a pas celui que je veux là-dedans, t'sais. Tout à fait. Les DVD, même chose, surtout les émissions qui sont un petit peu plus pour un public, mettons, pointu, comme Les Pieds dans la Marche, c'est pas pour tout le monde nécessairement. Je me rappelle quand j'avais magasiné les DVD à leur sortie, c'était genre 32, 33 piastres par saison, ça faisait un grand total d'au-dessus de 100 piastres pour les 4 saisons. Non, c'est ça, j'avais pas l'argent pour 100 piastres de DVD, ben non. Rarement. Même que ça descende, si c'est déjà descendu, là, ça devrait vraiment être acheté. C'est ça. C'est à la place, tu sais acheter de la drogue avec ce 100 pièces sur. C'est ça, puis je me trouvais, tu sais, hot, c'est un bon investissement, ça. Ben oui. Parce ben que oui. Tu trouves ça plus drôle, les pieds dans la marche quand t'as pris de la drogue. Sur le crack. Cocaine. Oui. C'est ça. Suivez ça, les jeunes, là. On répète aux enfants de pas consommer. Apprenez de nous, là. Oui. C'est ça. Donc, n'achetez pas de DVD. C'est cher. Achetez du crack. C'est cher. Mais. C'est cool. C'est cool. C'est... Wow. Merci. Ouais, ouais. Il vient vraiment de dire ça à la radio, lui-là. Oui. Wow. Tania, je pense que t'as jamais essayé le crack. Parce que tu serais de notre avis. Ça paraît. Oh, je trouve que t'as pas un visage rempli de... craqueuse. De... rempli de crack, justement, non. C'est ça. En effet. Ah, pour moi. Fais pas de blagues sur ces cracks. Parce que... J'en ai pas. Parce que... Tu sais, là, il y a le culte de la jeunesse et de la beauté. Ouais. Moi, j'aimerais ça renverser la vapeur et créer un culte des gens qui ont genre 24 ans, mais qui ont de l'air d'en avoir 42 parce qu'ils consomment du crack. Je trouve ça très beau, sexy, sensuel et à la mode. Ah, Gabriel Béhoud. Ça vient souvent avec le half-bun homme et la grosse barbe. Oh, oui, oui. Oh, hey, ah, mais ça, là. Hey, t'es ça. Allé là. Ouais. J'suis allé là. Hey, tu viens de me nommer de quoi, là? Le man que... bun et la grosse barbe. Mathieu, je vais briser le studio si on continue. C'est incroyable. Flip la table. Parce que là, c'est un mode-là, là. À un moment donné, wake up. Hey, tu sais. Ça va pas. Transé. Ah, c'est ça. Wake up, man. Hey. Le premier qui a fait ça, là, c'est qui les 3-4 gars qui ont été au Beach Club? En fait, aïe, c'est donc ben quelle heure comme look. Qui c'est qui a pensé à se mettre une brioche à la cannelle sans tête? Mais ça, ça vient pas du gars qui est tout le temps avec des filles, là, half naked, là, Ben, je sais pas quoi, Ben Zaza. De quoi tu parles? Mais ça parle du gars super milliardaire qui passe son temps sur Dan Bilzerian? Je crois que oui. Ouais, mais lui, il a pas de man bun. Il a juste une barbe pis des guns. Ouais. Pis mais beaucoup trop de cash. D'après moi, la barbe vient de là. La barbe, peut-être. Hey, ça, c'est une étude de recherche à faire. Là. Le... ouais, le man bun pis la barbe. Le où combo. C'est parce que ça vient? Juste la barbe, ça peut aller. Juste ouais. Le man bun, là, ça va pas. Hein? Non, parce que c'est pas trop cute. Là. Mais man bun et la barbe ensemble, c'est comme Wake Up America. Non, c'est ça. Moi, je pense que c'est comme... c'est comme l'inverse d'un panneau arrêt. C'est-à-dire, ouais, mettons en voiture, lorsque vous croisez quelqu'un qui... Je pense que c'est une sorte de poisson, un panneau arrêt. Non. Ce que je m'explique... Lorsque tu passes en voiture, oui. C'est ça, là, vous arrivez, il y a un panneau arrêt, communément appelé stop. Mm-hmm. Vous arrêtez. Ben, lorsque vous voyez quelqu'un avec un man bun et une barbe, c'est l'inverse. N'arrêtez pas. Poursuivez, appuyez sur l'accélérateur. Okay. Faites le plus de points possible. Idéalement, si vous êtes sur le crack, c'est un combo multiplier. Donc, vous allez faire plus de points. OK, ouais. Et puis... tout le monde gagne avec le crack. Exactement. Donc, vous allez être logé nourri pendant 3 ans dans une prison. Ah, oh boy. Donc, mais vous allez sortir au bout de 3 semaines. C'est correct. Oh, ouais. Pour bon comportement. Oui. Mais ouais, Tania, moi, là, ouais. J'ai bien hâte que ça passe de mode, cette histoire-là. Aussi. Parce que moi, je suis un fervent amateur de barbe. Mais ça dépend, hein. Il y a des barbes que si tu en prends soin, ça peut être beau. Ben oui. Tu sais, il y a des hommes qui vont la trimer, mettons. Nous deux, mettons. Ouais. Tu sais, comme. Ouais. Ouais, mais ça, c'est moi, correct. J'arrose pas avant la fin de la saison d'improvisation. Mais il y en a, là. Ça va être grave. Qui la laisse pousser, trop là. Trop longtemps, ouais. Genre, mettons, là. Jusqu'à temps qu'on voyait plus leur bouche, tellement ils ont une moustache et une barbe. Ça, c'est hot, ça. Qu'est-ce que tu fais? Mais ça va être ça, Gabriel, si tu n'arrives pas avant la fin de la saison d'impro. C'est très cool. Est-ce que c'est jusqu'à ce que tu gagnes la coupe? Hein? C'est jusqu'à ce que tu gagnes la coupe? Oui, exactement, la coupe de la barbe. Ok, ça semblait ça. Donc, Non, mais c'est ça. Tu sais, moi, je suis un petit peu réticent. C'est comme. Il y a eu plusieurs modes. Il y a eu la back coiffe. Moi, je trouve que c'est comme l'équivalent de la back coiffe. C'est quoi ça? C'est le look de hockeyeur par excellence. Le look joueur d'hockey. Liché par en arrière un petit peu avec un arrière des oreilles. Oh, mais c'est affreuse, par la suite, il y a eu le look peigné sur le côté. OK. Ouais. Tu sais, avec une genre de. Mais trim. Ça aussi, à un moment donné, ça venait avec la barbe. Ouais, pendant une secousse. Ouais. Là, maintenant, c'est rendu comme le man bun qui est comme peigné sur le côté, mais sale. Ouais. Sale, ouais. Il faut que ça ait l'air de puer de loin, ça. Ouais. Ouais. T'as l'air d'un gars qui a passé comme 3 semaines dans le bois. Oui. Pas d'eau, pas de nourriture. Sur ton iPhone. Pas de déodorant. Non, ouais. C'est ça. Miam. Ça donne envie de déjeuner. Ouais, ouais. De l'appétit. Après ça, ils se demandent pourquoi il n'y a pas personne qui est dans la coupe. Parce que. On s'est mis combien de gens à dos avec cette chronique-là? Je sais pas. Vraiment beaucoup, je le sais. On parlait de coupe. On va se faire lapider à CAF après. Ah, mais ils mangent pas à CAF, eux c'est autres. C'est vrai. C'est vrai, ben non. Il n'y a pas de kale. Exactement, il n'y a pas. Oh, aïe. Mathieu, on a-tu encore un heure pour que je chiale sur le kale en général? Prends la demi-heure qui s'en vient. Qu'est-ce que contre le kale? Le kale, là. Premièrement, c'est du chou. OK? Arrêtez d'appeler ça. C'est du chou frisé. C'est marqué sur l'emballage en français. Ah ouais, chou frisé. Ah ouais. En anglais, c'est kale. Mais non, mais c'est du kale. Ça a donc bien l'air, mon bessic, qu'il n'y a rien qu'une vitesse, ça, de dire kale. Ah, des fixies. Ah, oui. Ça aussi. Hey, ben, embarque-moi pas ces fixies. Là, hein? Ça arrête les fixies. Là, se mettre des chemises de bûcheron pour venir à l'école. Ouais. Tu sais, je peux comprendre. Mais souvent, ceux qui ont des chemises de bûcheron, c'est probablement la personne que je verrais le moins bûcher du monde. Du bois sur la planète Terre. Souvent, ils ont les bras gros comme mes chevilles. OK, bon, j'ai pas vu tes chevilles encore. Moi non plus. Oh, hello. Et puis, c'est ça, non. Ils le même genre de look, là, ça va ensemble. Hein? Ah ouais. Comme une bonne. Ouais. Puis du pied dans sa poche de chemise. Ouais. Puis là, le BC qui a une vitesse. C'est ça. Puis, une autre affaire, souvent. Ils vapotent, ce mot-là. Ah, ben là, là, tu vas mettre les vapoteurs à dos. Une grande majorité d'entre eux ont les yeux bruns. Ah, ben là, pardon. Puis les cheveux foncés après ouais, ça. Ouais, ouais. Ah, ben là, là. Dégueulasse. Hey, moi, là, du monde de même, là. Terrible. Il reste plus grand monde que t'aimes, finalement. Non, non, moi, je pense que je déteste, genre, 98% de la population. Hashtag les gens. Ouais. Sauf, moi, ce que j'adore, là, c'est les gens qui ont des chiens Mira. J'en ai vu un en fin de semaine, ouais, qui était comme en training. Ah, mais si, il y a une barbe puis un man bun. Le chien? Ça s'annule. Non, ça, le ça gars qui le tient. Ça s'annule, je dirais, parce que y a-tu quelque chose de plus adorable qu'un chien Mira? C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Jeune, surtout, là. Hein? Gab a les yeux pleins d'eau. Ah, ouais, c'est ouais, adorable. Premièrement, t'es pas sûr si t'as le droit de le flatter. J'ai-tu le droit de le flatter? Le monsieur dit... Là, le chien, le oui. Mais le chien capote, il fait sa pute, là, il se couche sur le dos et dit « Gratte-moi, Beden! » C'est rare qu'on dise un chien Mira qui fait la pute, là, je trouve que c'est un petit peu déplacé. Non, non, mais on va se dire... On va se le dire, en fait. Comme on dit, on va se le dire. Tu sais, comme qui dirait, hein, des fois, comme dirait ce gars. Avec le... Quand tu dis le... C'est ça. Ben oui. Le gars qui a voté pour... Faut dire ce qu'il faut dire, non, mais... Non, mais, hey, t'as-tu vu? Gab Béhoud, hier, je l'ai croisé au bureau de vote. Ouais. Ah ouais? Il a voté pour... C'est le parti, là. Oh, ouais. Avec oh, ouais, le gars avec les cheveux, là. Mm-hmm. De faire mm-hmm, placer de, avec le, la coupe du... tu sais, sur le... Avec oui, le... En haut du... Mm-hmm. C'était comme tout le oh, gars. Ah, ouais. Non, il a voté pour ça. Ah, ouais, ben, tabarouette. Tu sais? Stephen Harper. Exactement. Allez, t'as parlé de cheveux, là, lui, ça me détend. C'est vrai qu'il a des cheveux. Il a une très belle peignure. Ouais, ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai hâte. Très canadienne. Bloque Lego, j'en peux. Ouais, ouais. Ben, moi, j'ai hâte d'atteindre un certain âge. Premièrement, d'avoir touche de gris. Oui, avec les petits pink touch of gris. Alors, touche de gris, c'est le meilleur produit de l'univers. Pour hommes seulement. Ouais. Ouais. Oui, c'est pas comme du Lady's Pit Stick, là. Non, non, parce que ça, même quand c'est unisexe, du désodorisant, on s'entend pour dire que ça sent la femme pas mal. Ben oui. Je l'ai acheté, c'était supposé être unisexe. Je l'ai porté une fois à Never Again. Quand est-ce que t'achètes ça? Pourquoi t'as acheté du unisexe? Ben, t'achètes du... Mais je me suis dit, ça sentait rien, c'est unisexe, man. T'achètes le Axe au chocolat, toutes les pitounes sont après toi. Pas le unisexe. Pourquoi j'y ai pas pensé? Mathieu Plante. Est-ce que tu désodorisant à la sauce brune, genre? Au spam. Au spaghetti. Ah, ben, du spaghetti avec du spam dedans, comme du cam. Pareil. Mais c'est bon, une fois de temps en temps. Du cam? Ouais. Ouais. Mais ça aussi, ça fait longtemps que je l'ai mangé. Alors là, que j'ai dit que c'était bon, mais que... Pas du spam cam. Hey, mais non, quelque chose qui est bon, qui fait penser un petit peu à du cam, là. C'est de la ballonnée. Ah oui, oui. De la ballonnée rôtie. Ah ouais. Du steak de cowboy. C'est-tu bon, rien qu'un peu? Steak de cowboy. Steak de pauvre que j'avais entendu dire, mais ok, du steak de cowboy. Ah, hein, ouais, vous connaissiez pas ça sous ce nom-là. Il y en a qui appellent ça aussi des chapeaux. Ils disent que ça fait des petits chapeaux dans le poil. Ah, là, parce que secondaire. Ça ballonne. Ça ballonne. Fait que, moi, j'ai déjà eu anecdote là, d'un de mes amis, c'est malade. Il travaillait dans une charcuterie, dans une épicerie. Puis un monsieur d'un certain âge qui arrive, il était un peu dégingandé. C'est le mot? Je pense pas. OK. Mais je vais pas t'aider. Dégingandé, ça a l'air monsieur, vrai. Le monsieur se pointe, dit bonjour, je vais te prendre une livre de ballonné. Une livre de ballonné, c'est de la ballonne. Ouais, ouais. Puis, il dit, je vais te prendre une livre de ballonné, s'il te plaît. Fait que là, mon ami, il dit, d'accord, tranchez quelle épaisseur. Le monsieur répond, oh, le plus épais que tu peux. Fait que c'est une tranche. C'était genre quatre tranches. Wow. Ah, fait que là, il tranche quatre grosses tranches de ballonné. Le monsieur, mon ami, évidemment, il arrive pour mettre ça dans le petit sac à 15 zip, là, pis un papier cellophane. Le monsieur, il dit, oh, pas besoin de mettre ça dans le sac, c'est pour manger ici. Ah! Le lieu était s'installer, tu sais, les tables bistrot, là, oui, dans une épicerie que je n'aimerais pas, mais en tout cas, le gars s'assied au bistrot chez Metro, pis il s'est clenché une livre de ballonné tranché, genre. Non. Ouais, tranché, genre un pouce et demi d'épais, et il se clenchait sur. Hop, hop, hop, hop. Ah, après, il a été fumé une cigarette puis il est disparu. Mon ami, il l'a plus jamais revu. Tu vois, je m'attendais à ça qu'il y ait une cigarette après parce que non, c'est ouais, tout aussi dégueulasse que prendre une livre de ballonné d'une chambre. Une livre de ballonné, tu as-tu pensé comment tu dois faire, en tout cas. Y a-tu bu genre un verre de, je sais pas, de gras de bacon ou quelque chose du genre? Je sais pas. Mais, puis mon ami, tu sais, que ça y est arrivé, il m'est arrivé avec la plus belle comparaison. Il m'a dit, la ballonnée, là. Quand tu fais un sandwich à ballonné, c'est comme un sandwich au hot dog. C'est la même chose. Ah ouais, tu goûtes à une saucisse hot dog, tu goûtes à de la ballonné. L'intérieur du saucisse hot dog, j'avoue. C'est la même chose. Ouais, c'est la même affaire. Ouais. Hey, on en démystifie-tu des affaires à assembler ici? C'est fou. Moi, je vis, là, je vis tout le temps quelque chose. Tu sais, je vis un moment de ma vie dont je vais me rappeler pour toujours. T'sais. Ouais, parce que même que tu recroques dans un bon sandwich à ballon et moutarde. Comme tout le monde fait une fois de temps en temps. Oui. As you would. Ben oui. Tu vas te rendre compte que, mon Dieu, c'est comme si je mangeais un hot dog, mais flat. Pensez-y. Oui, pensez-y. Comme dit Guy Chaudoin. Puis, ballonné, j'invite les gens à aller voir, à écouter la chanson Ballonné du Capitaine No. C'est une vieille chanson, ça fait penser un peu à Du Plume la Traverse, mais plus poli, moins sale. La chanson Ballonné du Capitaine No, c'est exceptionnel. Ah, wow, ça a l'air écœurant, ça. Ouais, c'est fou, raide. On va se quitter avec ça. C'est vrai? Ouais. Hey, merci Mathieu. Ouais, oui. Merci Gabriel Béhoud. Hey, ça me fait plaisir. Je suis content de vous avoir chassé de plein de conneries. Puis on se voit dans deux semaines, au lendemain d'un match d'improvisation. N'oubliez pas, la semaine prochaine, pas d'impro. Ça va aller à lundi le 5, je crois. Le 2. Lundi le 2. Pointez-vous à la Chasse-Galerie, 20h. C'est gratuit. Super match d'impro. On va s'ennuyer de toi pendant la semaine de relâche. Nous, on va être là quand même, donc on va s'ennuyer de toi. Yes, sir. Merci Gabriel Béhoud. Bye bye. Dans deux semaines. C'est allé mardi à 9h. Nous, on va terminer Assemblage requis ici, Tania, malheureusement. Ben oui, on a déjà dépassé. Ben, pas mal, à part pas de mal. Ça. Mal. On aime ça de temps en temps quand ça vaut la peine, puis qu'il n'y a pas d'émission après. Mm-hmm. Donc, on remercie Gabriel Béhoud. On remercie aussi Louis-Philippe Quentin de Journal Zone Campus. Demain, on sera mercredi et on aura Sébastien F. Guertin avec son éditorial Bulletin Guertin et Frédéric Bernard avec Google Globe. C'est demain entre 6h30 et 9h30. À 11h, c'est pour le dîner de con avec Danny Janvier. À 11h, j'ai bien dit ça, 11h. Ouais. Ensuite, à 13h, c'est Rock de Neuron. En rappel, l'émission de Rock Progressif. Je serai de retour à 15h pour les palmarès des fous, le top 40 de la semaine. 19h, réanimation avec du métal et de l'horreur. Sif.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. Merci beaucoup, Tania Baudin. Ben, merci à toi, Mathieu Plante. Et à demain, 6h30. Demain matin, 6h30. Et comme je disais, on se quitte avec Capitaine No. Puis la chanson, elle s'appelle Ballonné. Oh. À demain. Sur ma sandwich, payé cash au restaurant. Hey, bonhomme, prends-toi donc une patate en sortant. Ballonné. Ballonné. Quand un homme se présente à moi, ballonné, et me demande si j'ai droit, ballonné. Quand un homme se présente à moi, et me demande si j'ai droit, quand la vie n'a plus de sens, et que tout ça ressemble, ça ressemble, hey bonhomme. Quoi? T'as tout eu, t'as tout bu, t'as tout su, t'as tout fait, mais t'as assez toi, hein? T'as tout eu, t'as tout bu, t'as tout su, t'as tout fait, mais t'as assez toi, hein? T'as assez sûr, dans les autres, on va gagner, libérer, vivre, vivre en harmonie. Avec toi pis moi, on est tous des pognés. Quand la vie n'a plus de sens et que tout ça ressemble, ça ressemble dans ma sandwich au ballonné. Quand j'embarque sur ma sandwich, quand j'embarque sur ma sandwich au ballonné, quand ma vie est tout au pied. J'embarque sur ma sandwich, payé cash au restaurant, dans ma la sandwich, au bar, le ballonné. Ouais, mais vendredi soir, j'ai mangé deux sandwichs au ballonné moutarde avec une patate frite pour le souper. Puis après ça, je me suis en allé boire à la taverne. Oh, j'ai bien une caisse, on va pas une caisse. J'avais une gang de gars dans une coin, ça commence à être plate. Fait que j'ai dit au gars, mon Dieu, occupe t'en plus, on monte dans un genre de char de freak, comme t'as bien high là-dedans. Je l'ai au bout. On arrive de l'amour au club, commence à prendre une coupe d'autres bières, vous appelez le chou un peu, quelque chose. D'un coup, on m'aperçoit que Pierre, je file pas bien, bien. Mais on va faire un tour aux toilettes. Et d'un coup, dans le bas, je me suis aperçu que je n'ai pas de gêner ma sandwich au. Au bout, assis, on est obligé de m'arrêter, m'enfermer, ouais, dans ma sandwich.